En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 5 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. Yeah! L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Mart Vero. Ouh! Le numéro 88, Alex Combe. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Hein? Non, mais il y avait comme un gap, mais ça fait un bout que t'es pas venu. Le numéro 31, JF Mallette. Et votre animateur, le numéro 75, JF Combe. Yeah! Yes, yes. Bonsoir tout le monde. Hey, salut. On a failli être un team complet ce soir, malheureusement, Alex. Mais on est un team différent. Blessure au haut et au bas du corps en même temps ce soir. Ne peut pas être avec nous autres, on le salue. La grande déferlante. La grande déferlante. Ah, c'est merveilleux. Souffle-toi pas. Ben ouais. Merveilleux. Prends ça, relax. Fait qu'Alexandre, tu nous as manqué. Les femmes te réclamaient, t'étais en trip à Glendo. J'étais en pèlerinage. Exactement, un pèlerinage à Glendo. J'en allais avec le trip à quelque part. Là, trip. Ouais, c'est ça, j'avais peur. En trip à trois. J'aimerais bien. Ouais, j'ai eu peur, mais effectivement, pèlerinage à Glendo. J'allais sculpter des visages de plécanique un peu partout. Sur la lampe, des biberons, des pinches. Hey, j'en ai bu du lait, mon gars, t'as même pas idée. C'est bon. Il est-tu bon, lait à Glendo? Ben, c'est même pas du 3,25, c'est du 5%. C'est du lait épais. C'est une crème. C'est ça. Hein. C'est pas une crème, c'est une croûte. Mais je pense que c'est une vache, man. Puis quand tu t'en vas, à la fin du pèlerinage, t'arrives devant une grande statue, puis là, tout le monde se recueille, là, à genoux, puis c'est une grande statue de Jagger. Dans le temps qu'il y avait sa molette. Ok, ça. En réponse, on salue militaire avec pas de gars. Ah, c'est ça, il y a une même. Ça, Fait qu'on va aller faire de la quelque chose comme ça. Puis t'es à côté. T'as coupé ça en estime. Fuck that. Whatever. On allait dire à côté, t'as une statue homemade faite en papier mâché de Plekanec faite par Alex. C'est ça. Non, à côté, t'as comme l'autre affaire de la statue, sa fille là, qui a pris un selfie genre avec elle, avec pas Plekanec, mais Jagger dans le lit, là, à l'hôtel là, qu'elle a. C'était pas Usain Bolt, ça? Ben non. Non, c'est Jagger. Ben c'est, ouais, mais Usain Bolt, c'est arrivé tout. Il y a eu une histoire comme ça. Ah, ça, c'était plus récent. Usain Bolt, il est de Glendo? Bon. On s'écarte. On sait bien que les grands athlètes de ce monde viennent toutes de Glendo. Toutes. Quelle ville. Glendo. Hey, Dave. Ouais. T'as-tu ça, les positions du pool par hasard? Mais hein. Hey, on va vous donner les positions du pool pour la première fois cette année. Des surprises et stupeurs dans le pool. Ça bouge beaucoup en début alors, de saison comme ça. Là. En première position, puis il y en a plus cette année dans le pool des filles, c'est ouais, Caro c'est cool. Langlois. Qu'est-ce? Ouais, mais... ça reste dans la famille. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Mart? Après ça, deuxième, Mathieu Labonté, égalité avec Philippe Boivin, Tardif. Quatrième position, François Lachapelle. Où? Cinquième, Alex Galipo, égalité avec Maxime Mouinette. C'est que c'est ça. Que et c'est nous autres, ça. On se retrouve où là-dedans? Moi, je suis onzième. Après ça, on a Alex Combe, 25e. Mart, 26. Mallette, 30. Puis JF, t'es 46. Ah, j'ai quand même réussi à vous Le pôle du podcast est beaucoup plus relevé cette année parce qu'il y a beaucoup plus de monde l'année passée. 70 personnes. Ouais, l'année passée, on avait à peu près la moitié de ça. Ça fait un peu comme plus beaucoup moitié. Une semaine que la saison a commencé. Ça va tout changer. Pas l'année passée, c'est très volatile. L'année passée, les 4-5 premières semaines, j'étais dans chemin, le top 5. Les chemins, j'étais dans le top 5. Dans le top 5, j'étais fait des grosses chemins. Et après ça, j'ai fini 28. La première journée du pôle, j'étais premier. J'étais premier, puis le lendemain, j'étais 27e. Dernier truc avant de commencer le show, on vous invite à venir nous ça voir. Ça change à chaque jour là, pour au Geekfest la semaine prochaine, samedi dès. Ben oui, c'est quoi, 14h45 à 15h40, des heures fucked up de même là. Excuse, quoi? Ouais. 45 à 55. On a 45 minutes. On a 45 minutes. C'est 14h45 minutes, à 15h40. OK, mais là, je veux dire, en 45 minutes, anyway, c'est on fait. C'est des périodes comme... de 15. Non, il n'y a pas de période de style. On mélange un sujet. Hey, Mike! On était en train de brainstormer le show. Qu'est-ce que tu as dans le front? Ah, oh, c'est une scratch. Bon, j'oserais de ça. Qu'est-ce que t'as fait? Venez nous voir. Après ça, venez avec nous autres vous suivre chez Arcade Montréal. C'est un acro-cordon. Un acro-cordon qui est mal. Il était gros. Ouais, il était intense, celle-là. Là. Tu l'as gratté. Là. Ouais, je vais jouer avec. T'as manqué ta shot. T'as dit de pas jouer avec. Fait que je suis pas avec ton acro-cordon. Il tournait. Là. Ah, j'allais comme tirer en ligne droite. Dans... Ah, gars. Il se roulait l'acro-cordon. Wow. Fait que le 5 novembre prochain, 3h moins quart jusqu'à un moment donné dans l'après-midi. Là. Mais venez vous sur avec nous à l'Arcade Montréal. On va être chaud, hein? Okay. On va être chaud, puis après ça, on va être chaud après ça encore plus. Ben oui, j'ai un souper après, je vais être chaud encore. Avant, pendant. Après, là, c'est moi, je m'en vais dans un party duet après. Moi. Ah, nice. Hey, c'est fancy. Fait qu'on va y faire là-dessus la première période. Pote. C'est toi qui les ouvres ou t'as un majordome pour ça? Un majordome. Un autre chum qui prend malin plaisir à les ouvrir. Sérieux? C'est chiant, man. Fait que là. T'es manges, t'as pas les cailles. On va résumer le début de saison, à part le premier match, parce qu'on l'a couvert l'autre fois pendant tout le podcast au complet. Fait qu'en ce moment, le Canadien est 7-0-1. Je me demande si Michel est content. Oh, je suis content. Je suis content. Je suis content d'en parler aussi. Ah, il aime ça en parler de son début de saison, c'est-tu Michel. C'est vraiment cette année, ça, c'était fou. Ouais, c'était. Oh, je suis content. Je suis content. Puis je suis content d'en parler aussi. Ah, il y a vraiment. C'est vraiment le ton du gars soulagé. C'est quand il parlait de Muller, ça. Ah, ouais. Puis là, il disait qu'il fallait. C'est Muller qui coach, là. Non, il parlait tout dans le fond. C'est Muller. Il parlait de Muller. Il disait, ah, je suis content d'avoir Muller. Tu peux faire des checks sur tout. Tu peux faire des checks sur tout avec Kurt Muller. Il n'y a pas de dents aussi. Ben ouais, il est content d'avoir comme le prochain coach à ses côtés. Ouais, ben ça lui fait du bien d'avoir un peu d'aide. Là. Fait que premier match, ben deuxième match, en fait, 15 octobre. C'est comme un aidant naturel, Muller. Un aidant naturel. À laisser partir. Il sait que ça va revenir. Mais c'est pas laisser partir en douceur. Fait que ouais, le deuxième match qui a été contre les Sénateurs, notre seule défaite en tir de barrage, 4-3 contre les Sénateurs, c'était Montoya dans les nets. Puis on a un extrait vidéo de ça, je vais juste aller remettre Inigo Montoya. Inigo Montoya. Prépare-toi à mourir. Fait que vous voyez sur l'écran ici, on va vous montrer ce qui est terminé le tir de barrage ici. C'est le petit Darnay. Oh, le petit Darnay, pour ceux qui nous voient live. Et on échappe la balle. Il rate le tir. Il frappe le petit nègre. Et Anderson, après ça, il fait comme une célébration pas trop intense pour ça. Tu sais, c'est comme Carlis Anderson. Come on, c'est ça le save de mon. C'est votre seule victoire de l'année. Là. C'est ça. Après ça, 18. Hein? Non, non, okay. Non, non. Non, mais ils sont mieux qu'on pensait. Ensuite, ouais, 18 octobre, on a joué contre les Penguins de Pittsburgh. Une victoire de 4-0. Montoya d'un net encore une fois. Puis on a le premier but de Radu dans ce game-là. Puis on a le premier but de Radu. On va le checker vu qu'on a l'écran en ce moment. Un assist goal. Là. Ah, et ça, là, ça, wow. Tu sais comment tu peux contrôler la rondelle et regarder le patient. Il a tout fait. C'était beau. Il était en feu, le calice, là. Pour vrai, c'est fou. Là. Il est laid comme un singe, mais. Il est bon. On l'aime bien. Je trouve ça y va bien, cette face-là. Checkez-le aller avec le pas dedans, là, qui y va. Paf. Il est-tu content quand il score, lui? Ah, il est heureux. Il est passionné. Il est content d'être content aussi. Ouais. Mais il est content d'être content, puis il fait du bien au moral de l'équipe, j'ai l'impression. C'est le fun de voir un gars qui est content de jouer. Ça fait du bien à Montréal voir ça. Là. On a eu beaucoup de traînes savates. On a eu bien des traînes savates. Il y en a encore. Il y en a encore, mais moins pire, je te dirais. Il y en a qui se placent tranquillement. Je t'ai pas venir, man. Ben non, mais là, on le sait. On n'a pas besoin. Tout le monde le sait. On parle-tu de l'éléphant dans la pièce, là? Ouais, c'est exact. C'est ça, laissez-moi passer les matchs qui restent. Là. 20 octobre contre l'Arizona, on a gagné 5-2. C'était Price qui a revenu des nets. Price, bien slim. Là, tout le monde a chié dessus, là, à TVA. Là, c'est Bergeron qui chie dessus. Lui, toi, apparemment. Bergeron, t'es où? Ben lui, il a chié 8 livres, à peu près. Mais Bergeron. 8 livres mou. Bergeron qui chie dessus parce que la game d'avant, il a fait des tatas au Centre Bell au monde. Là. Il était habillé avec son soute puis il gaulait pas. Qui ben, c'est? La présentation. Ouais. Présentation. Ah, Bergeron, il est comme là, c'est-tu moi les gars, ça jouait avec les épaules disloquées. Puis tout, c'est comme, man, ta gueule. Il disait que les gars jouaient mal. Non, gars, il s'est planté. Il a voulu exprimer une idée. Ah, mais il n'a pas été seul. Théo, il était pareil, man. Théo, il l'a fait dans le Journal de Montréal. Puis l'autre l'a fait à TV. Répète exactement la même calliste d'affaires. Commence pas là-dessus parce que t'es où t'avant. Je vais flipper à table. Flippe pas à table. On veut finir par le Théo. Attends que je finis ma bière. Ouais, tout le monde n'aime pas Théo. Des fans des boys. C'est un esti de douchebag. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, il doit y avoir du monde qui font comme ah, il a raison, Théo. Mais les gens qui doivent flipper encore, c'est sûr qu'il y a un qui tripe sur Théo. Toutes les imbéciles. Non, mais il y a des affaires qui disent des fois, par exemple. Non, il y a des affaires qui disent des fois, c'est bien correct. Mais c'est quand qu'il se plante asti qu'il a de l'air tata. Ben, s'il parle d'affaires qu'il connaît, il connaît. Tu sais, c'est pas un épais côté hockey, il connaît son hockey. Il a joué dans la Ligue nationale. Théo? Ouais. Non, non, laisse-moi, laisse-moi parler, man. S'il dit des affaires qui parlent de hockey, s'il parle de hockey, non, la c'est pas game, tous ces calls qui sont innocents. Il, c'est ça qu'on dit, il connaît la game. On relève quand même, énormément. Il connaît la game, mais c'est parce que quand il parle, c'est pas clair. Tu comprends même pas non, ce qu'il veut dire. Oui, mais il en dit des affaires des fois que tu peux pas dire comme. Tu peux pas dire que c'est un épais sur genre 100% de ce qu'il dit. C'est un épais sur non, peut-être 95%. Ouais. Bon, tu vois, moi, je donne un 20%, mettons. 20%. That's a lot. Avec 20% de, tout, de 100% que tout ce qu'il dit, c'est 20%. Non, non, non, de la attends, non, non. Non, non, 20% non, non. De ce qu'il dit de concis. Là, il dit pas que 20% de ce qu'il dit de concis. Ouais, là, ça arrête. De 100% de tout ce qui sort de sa bouche, 20%, c'est de la merde. Un cinquième. Tabarnak, c'est l'inverse, mon gars. C'est l'inverse, moi. Il n'y a pas de cinquième. Je dis que 20% de ce qu'il donne, c'est 20%. Je pense qu'on capte. Ok, c'est 80% de la merde. Ok, ok, on dit la même chose. Excellent. On passe à autre chose. Votre échantillon n'est pas représentatif. Ouais, ben c'était vraiment plat. De toute façon, moi, je donne tout le temps. C'est pas ça ton chandail. 80%. On la parle en jasette. T'as une mousse. Ah oui, c'est ça, t'as une mousse. Ça m'agace depuis tantôt. Il est fatigué. Ça m'agace. Il est dans mon champ de vision, lui, là. Déjà, il redit du podcast. Hey, tu l'as sur le haut, là. Sur le podcast. Tu l'as sur le cap. Tu l'as sur le casse. Voulez-vous qu'on aille repasser nos chandails? Ben là, je sais pas, là. Sors la planche. Le 22 octobre, on a joué contre Boston. Belle victoire de 4-2. Ah, Price encore dans les nets. Après ça, 24 octobre contre Philadelphie. Victoire 3-1. Price dans les nets. Puis les deux dernières games, le 26 contre les Islanders, une victoire de 3-2. Montoya de retour. Fat job, Montoya. Fat job. Ouais. Elle l'aime fat bien. Job. Il me stresse pas, Montoya. Ouais, puis, mais là, t'as peur, là. Pour l'instant. Astille, ouais, ben c'est ça. 6 games de je fais pas gauler une saison comme Condon l'année passée. Non, non, il va gauler 25. C'est ça. Aussi longtemps que Price est en santé, il va gauler le nombre de games qui est posé, puis il va nous donner des bonnes games. Dans la situation que. Non, mais il y a sûr. Sérieusement, il y a sûr. Ah, il y a sûr. Ouais, mais tu sais, le gars, il espère quand même redevenir un jour peut-être numéro 1. Non, c'est ça. C'est sa job. Je pense que lui, il va tout le temps vouloir dans sa tête. Wrong. Wrong. Pourquoi wrong? Never. Il a jamais été numéro 1. Je dis pas qu'il va revenir numéro 2, mais tu sais, il espérait tout le temps réussir à revenir numéro 1 d'une équipe. Il y a 35 ans, Montoya, à peu près, me semble. Il était non, assez il est, je te dis, 31, appelle-les, malade. Il l'a dit en entrevue, c'est, ouais, c'est numéro 2. Je pense que le gars qui pose là-dessus chez eux. Ça. C'est vrai. Il est bon comme Boudin les bonnes années. Ouais. Boudin, ouais. C'est le numéro 1 des Kings présentement. Mais il y a de l'expérience, fait que, ça nous amène... Il est sauve. C'est ça, ça fait... Ça nous amène au dernier match, c'était celui d'hier, 27 octobre, Tampa Bay, on a gagné 3-1. Là, nous fermer la gueule. Crise de game, pareil, ça. Ouais, ça, c'était une crise de bonne game. Ah, j'allais manquer ce game. Ah, ça, c'était game-là. J'ai pas un bout de la fin de la 3. C'était un hostie de belle game. Emeline, il était comment? Wow. Qui? Emeline, il était comment? Pourri, man. Non, il est correct, mais ça ne pourra pas durer longtemps. Ça ne durera pas. Si c'est une patch, mais je te demande, il était comme. Mais il était là sur le but de. Il était là sur chaque. Il va bien. Faut qu'on lui donne du temps de glace. Non, mais il a été là. Non, mais il est là. Ça fait une coupe de but qui est là sur la glace en même temps, par exemple. Ah, parce qu'il est souvent mal positionné. Mais hier, là. Une erreur, ça coûte un but. Hier, ben, Emeline, il est bon quand il est proche de la bande. Quand il est proche de la bande, il est bon. Si c'est en avant du goal, man, il. Non, il est perdu. Il donne la rondelle à l'adversaire. Mais hier, c'est ça qui est arrivé. Sur le bord de la bande, il était cœur, hein. Il plaque, il est solide, il bouscule. Mais dès que ça se passe dans l'enclave, mon gars, on dirait que c'est pas quoi faire avec son stick. Il cherche où s'en va. Ben, il est un peu pour le pas de tête. Il est mauvais à lecture de jeu. Plus, là, il vire pas du bon bord, man. Il est comme Zoolander, juste d'un bord. Ouais, c'est ça. Hey, on va faire nos plus et nos moins. Voulez-vous aller dans le positif ou dans le négatif pour commencer? Positif. Je dans le positif. Faisons un va tour, bien, tour de table. On va y aller avec l'invité qui n'était pas là depuis. Non, vas-y avec le gars qui est pro. Là. Lui, il est prêt en esti. Moi, je suis prêt. Tu dois être prêt. Moi, j'irai avec Jeff Petrie. Ouais. Hey, ouais. C'est-tu le meilleur présentement troisième défenseur de la ligue? Esti qui patine bien. Troisième défenseur, tabarnak, là. Là, t'es rendu, tu nommes le meilleur troisième def de la ligue. Ben, c'est pas numéro 1, c'est pas numéro 2. Ben, Chris, aussi, il fait une crise de bonne chance. Non, non, mais tabarnak. Il a donné le goût à Markov de se forcer le cul un peu. Puis, ce qui est le fun avec Petrie cette année, là, c'est que tu vois vraiment, c'est un bon patineur. Il pote. Fait qu'en plus, ils ont donné Markov en powerplay pour qu'il puisse shotter au net. C'est ça qu'ils ont dit, toi, tu vas shotter au net. Ça, c'est du Kirk Murray qui craché. Ben, pas Markov. Markov va faire la passe à Petrie. Markov, c'est un passeur. Ouais, c'est ça. Fait que tu ramèneras à 12 sa première vague. Puis là, c'est rendu que Markov est sa deuxième. Pour passer le puck à Petrie, c'est Petrie qui va shotter comme Weber le fait sur l'autre vague. Petrie correct, là. Ah, il est plus que correct. T'sais, l'année passée, il a traîné une blessure pendant au moins, je te dirais, 2-3 mois, puis il s'est pété à la gueule à Dallas. Là, cette année, il est en santé, puis on espère qu'il va le rester. Tu voulais y aller avec un choix genre non conventionnel. Non, ben, parce que moi, dans ma tête, c'est Petrie. Ouais, t'as le droit. Toi, c'est Petrie que tu as trouvé le meilleur joueur du Canadien. celui qui m'a le plus. Mon plus. Non, le, pas le, le meilleur, c'est mon plus. C'est mon plus. C'est un gars que tu t'attendais pas. Moi, je trouve qu'il a sorti du lot. Le gars qui s'est le plus amélioré cette année, c'est vrai que toi, dans le fond, c'est comme ton trophée Jacques Beauchamp de la semaine. Si tu veux. Si tu veux. Il y a ça. Puis j'aime bien gros Torrey Mitchell aussi, je pourrais rajouter. Est-ce que quelqu'un aurait pensé à Torrey? Je pense, mais je veux dire. Ce gars-là, il va avoir la face bleue comme Punisher dans la série Netflix. Là. Ah, il s'est tout le temps bataillé à toutes les games. C'est un astuce que ça aïeule. Il sait que ça aïeule, des pocs ça aïeule, des points ça aïeule. Son but contre Boston, c'était malade. Là. Mitchell, ça, tu parles? Ah, ouais, Mitchell. Ah, c'était fou, man. Il va avoir la face enflée. Ah, ben, il y a ça, c'est son astuce problème. Il a choisi de faire ça dans la vie. C'est ton plus, ça? Ben, j'y avais pensé, mais... Tu y vas avec qui, mon gars? Je vais y aller avec un plus comme bien plus plate que... Non, moi, c'est Weber. Ah, c'est le même qu'Alex. Je suis d'accord avec toi, parce que... Alex est dans le chat, puis il dit mon plus à Weber, lui, avec. Ah, c'est... Ah, hey, fuck off. C'est pas son plus, Alex. En train de te coucher. C'est mon plus à moi. En train de ta santé. C'est mon plus plus à moi. Hey... Ben, c'est un esti de bon choix, man. Mais non, ouais, ben, Weber, oui. Ben, moi, c'est parce que... Si je l'explique, mon choix, c'est vraiment juste parce que... tout ce qu'il dit au mic après les games, tout ce qu'il dit, de la manière qu'il parle, la manière qu'il se comporte, de la manière... Moi, ce gars-là, là, ça m'avait frappé, genre, à Game All-Star, là, quand il avait fait le plus rapide, là, quand il était à... C'était à Nashville que ça se passait, justement. Ouais, les concours, ouais. Puis je regardais ce gars-là, puis je me disais comme, Chris, il est d'une game de All-Star, puis il a pas l'air de rire tant que ça. T'sais, il a l'air comme tellement comme commis au hockey, ce gars-là. Ah, ce gars, c'est un guerrier. Il a une de mean face, je sais comme... Puis il avait le C sur son chandail. Puis en regardant ce gars-là, je m'étais dit, ça, c'est un vrai capitaine. Tu sais, il y avait l'étoffe. Il y avait comme tout, là, je trouvais, là, dans son style. Il y a ce qu'il faut, là. Il y a le package deal. Ouais, c'est probablement le meilleur défenseur que Montréal a eu depuis... Ça fait longtemps que... Depuis un hostie de bail, là. Larry Robinson, tu le mets en haut ou en bas? Mais ça se compare. Ben, je te dirais que c'est peut-être justement le meilleur défenseur qu'on a depuis, genre, Robinson, Chelios... On recule loin. Mais tu sais, comme Chelios, dans le fond, on l'a eu comme jeune, pas dans ses meilleures années. Des défenseurs qui ont passé à Montréal, c'est probablement le plus grand défenseur qu'il y a eu dans les dernières années. C'est lui, depuis facilement 20 ans. Ça remonte à genre... Ouais, parce qu'on n'a pas été chanceux dans les années 2000. Les années 2000, je pense que le meilleur défenseur qu'on avait, c'était... Ben, ça a été Markov, si tu veux. Après ça, il y a eu Malahov pendant un certain bout. Mais c'est pas quand ça va durer, c'est ça. Mais t'oublies Patrick Traverse, là. C'est pas Brisebois. Oui, Brisebois. Un bon défenseur, un numéro 1, mettons. Là. C'est Weber. Il faut te mettre Souban dans ce lot-là quand tu comprends. Ouais, mais. Parce qu'il n'y a pas été là encore. Il n'était pas à ce niveau-là. En tout cas, je ne veux pas trop m'écarter de mon plus. On va mener ça à traque, là. Mais c'est ça, Weber. On parle de Weber pareil. Il y a toute la kit. Il y a toutes les qualités d'un défenseur que ça prend à NHL pour être meilleur. Il body check, man. C'est smart. T'as-tu vu, mettons, quand il pogne un gars sur la bande, là, il fait pas juste comme le tasser. Il y a plein de monde qui disait, il y a plein de journalistes qui disaient que Yossi rendait Weber meilleur à Nashville. Pas sûr, okay. Moi, je pense que c'est le contraire parce que Subban joue avec Yossi, puis man, c'est Qu'est-ce qu'il fait, Subban? Il tombe dans le duo. Ils ont changé de paire, hein? Ouais. Yossi joue pas avec. Ben non, parce que ça marchait pas. C'est deux le même genre, un peu, là. Tu sais, c'est comme ça fonctionne pas, là. Tu l'avais programmé, ça, là. Ah, ouais. Non, mais je l'ai toujours appelé de même. Puis Ryan Suter, c'était le premier défenseur qui a commencé sa carrière en même temps que Shea Weber. Puis Suter, c'est. Suter ou Sutter, peu importe, là. Ben, il a jamais été le même. Entends-tu pour Souter à la soirée du podcast? Oh ouais. Ouais, Ryan. Ouais. Il jouait au Minnesota. Mais Weber, là, j'aimerais juste ça qu'on trouve un bon partenaire à Weber. Ben, ça en est, c'est Beaulieu. C'est supposé être Beaulieu. Ben, j'ai comme l'impression que Beaulieu, finalement, il a répondu à notre question. Il n'est pas assez constant. OK, hey, mais t'as peu, là. On retourne-tu dans nos plus? Ouais, Dave, de façon. De toute façon, t'es en train de débattre. Mon plus, moi, je vais le donner à Radulov. Oh! Puis, on avait des beaux choix. Moi, j'ai arrêté. Pour vrai, c'était Weber ou Radulov, mais là, Mard a dit Weber. Ouais. Fait que je vais y aller avec Radulov pour faire un changement un peu. Ouais, c'est, puis c'est la raison, je pense, c'est parce que. Il donne le goût d'écouter du hockey. Il a l'air. Il a donné le goût de jouer aussi. On est au début de la saison. Ça va bien. L'équipe va bien. C'est ça, direct ça. Mais c'est notre plus par rapport aux dernières games. Il donne un show. Fait que là, présentement, il est écœurant. Il se démène en tabarnak. Puis il veut jouer, il a le goût de jouer, puis il démontre. Ben, hey, ça man, paraît. Quand ça il a paraît. Eu son étoile, puis qu'il a parlé aux fans là, au Centre Bell, là, ah, c'était malade, il donnait le goût aux fans de devenir. Il donnait le goût aux fans de devenir un partisan de Radulov. On aiderait ça. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a eu une grosse vedette comme lui, genre Kovalev. Ben, Kovalev, mais Kovalev, il était en bas de ça. Kovalev, ouais, mais Kovalev, t'es capable d'électriser le Centre Bell comme Radulov. Oui, mais il a joué une game sur 4 par exemple. Oui, sauf que. Ouais, mais attends, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt encore pour dire de Radulov. Mais présentement, oui, moi je dirais plus que Kovalev quasiment. Ben oui, peut-être. Tu dirais jusqu'à où? Parce que Kovalev, il était là pendant 50 ans. C'est ça, je te dis, il est trop tôt pour dire ça. Mais vite de même, la petite dernière semaine qui s'est passée, Radulov, man, soulève la foule. Puis, hey, première fois qu'une étoile dans la Ligue nationale à Montréal, puis il se fait déjà scander le nom Radu. Ouais, c'est vrai, ben s'il faisait ça avec la Québec, oui, mais c'est la première fois qu'il y a une étoile à Montréal, puis ça commence déjà. Il a dit en entrevue qu'il avait eu de la misère à parler parce qu'il y avait le chill. Ouais, genre, c'est ça, c'est comme il y a le couteau entre les dents, puis le chill. C'était émotionnel. Tout ça, il trouvait ça malade de voir le monde qui scandait son nom. Il avait de la misère à parler, même, pendant l'entrevue. Puis enfin, ça me donne le goût de l'écouter. Il est fou, man. Il est fou, puis c'est comme je disais à un moment donné, c'est les célébrations genre qu'il va faire, man. Il est comme, il est trop heureux. Intense, il veut t'as-tu tout le monde le avec but? Lui, man. As-tu vu le but qu'il a fait avec Weber, justement, puis qu'il s'en va vers Weber, puis il est de même, mon gars, on dirait tabarnak qu'il vient de scorer un but de la septième match de playoff, là, tu sais, c'est comme tabarnak. Ce qui me fait rire, c'est que... Puis là, il parle avec ses pas dedans, puis tu peux pas comprendre qu'est-ce qu'il dit parce qu'il manque des dents en avant, fait tu peux pas voir la bouche, elle bouge bizarre. On dirait comme. Mais c'est pas pire, par exemple. S'il a été dans NHL, il sait parler anglais. Par exemple, il a été. Il parle super bien anglais. Il a été à Québec, il connaît un peu de français. Il connaît la culture. Il a dit bonsoir en commençant son entrevue, puis il a fini avec merci beaucoup. Ouais. Il venait de conquérir le centre de l'air. Il a deux mots plus que sa ouais. L'affaire qui est drôle là-dedans, c'est que Radu et Weber, c'est deux anciens membres des Preds. Ouais, mais on s'en calisse. Non, mais c'est drôle. Non, mais faut faire avancer ça. Vas-y, Alexandre, donne ton plus. Parce que le temps avance, là. Moi, j'en regarde ça. Il va jouer avec Chucky demain à passer. Le temps file. Ouais, faut que je remanie les trios. Puisqu'on s'en calisse. On a-tu le droit cette année? Parce que je suis pas venu encore. On a-tu le droit de dire Price ou on n'a pas le droit? Oh, ouais, t'as le droit. C'est quoi, il n'y a jamais eu de règlement. Là. Mais oui, pour ça, on n'a plus le droit. Ça, ça devait être l'année. C'est parce que tout le monde était mauvais sauf Price. L'année passée, il y a gaulé genre 10 games. C'est avant. C'est l'autre année d'avant. Tu peux choisir qui tu veux. C'est ouvert. Je te mets un plat de bonbons. Donc, c'est Price. Ben, c'était Price ou Gallagher, là, fait que c'est un des deux, mais je dirais Price. La game, ah, est-ce que tu voulais nommer quelqu'un qu'on n'avait pas nommé, c'est pour ça? Parce que t'as droit d'en nommer un. Non, mais ta femme, tu t'ailles. Ça m'arrive des fois. Non, ben, c'est sûr que Radulov et Weber, c'est des choix faciles, mais moi, je vois pas dans la simplicité et dans la facilité comme vous autres. Bon, ça y est. Oh, my God, t'es donc bon, man. C'est un malin pour que tu dises qui est bon. Je vais aller pour Price pour la simple et bonne raison. Que ce gars-là. Mais ça, c'est pas un choix facile, non. C'est un. Ah non. Mais c'est un gagnant, puis c'est un athlète d'exception. Il est tellement calme dans son filet. Il n'y a aucun stress. Il fait ses affaires. Fou, il n'a pas été vraiment. Il est tellement drillé sur sa game. Je suis pas d'accord. C'est exactement mon point, Jeff. Tu penses qu'il n'est pas si bon que ça parce que. Quoi? L'affaire, c'est qu'il fait. Tout a l'air facile. Tout a l'air facile. Hier, là, tout facile parce qu'il est bien placé. Hier, c'est ça. Bien positionné. Hier, il connaît la game, Bobby, il sait quoi là, faire tout le temps. Il y avait des tirs qui venaient de tous les côtés. Il n'a jamais eu besoin de faire d'acrobatie parce qu'il était tellement focus dans sa game. Les déplacements étaient tous parfaits. C'est un des meilleurs manières. C'était un match chirurgical. C'est probablement le goaler qui a le meilleur contrôle de la POC. C'est la signature de la POC. C'était méthodique. Là. Man, c'était chirurgical. Man. Il bougeait. Je regardais à un moment donné j'étais comme... OK. Mais tu penses que les jeux sont pas assez... Ce gars-là bouge trop bien. Il n'a pas été assez défié. C'est juste qu'il est... Il se fait pas défier, il est tout le temps bien placé. Il est jamais mal pris, c'est voilà. Tout le temps facile. Fait que non, il a pas été défié parce que ça, son positionnement faut est tout le temps bien fait. Ça a l'air plate, là. C'est faut sûr. Faut comprendre ça, le sens. Ça a pas l'air de Jonathan Quick à cause de ça parce que lui, tout le temps. Improfessionnel. Bon choix, je suis fier. Puis je suis bien content. Ben oui, t'as de l'air. T'as l'air content. T'as l'air content. Ben oui, ben non, mais Price, c'est quand il est là, on dirait. Je suis content d'en parler aussi. Non, mais il donne son bus, il crée son temps. Ça rassure, tu sais, d'avoir un Price en forme, là. Hey, ça me fait penser à. Bon. Il est en crise, c'est ça, là. Vous l'avez offusqué, il a quitté le studio. Bon, voilà. Je suis assez d'accord avec tous vos plus, puis j'en donnerais peut-être un petit plus à Emeline. Parce qu'on le bâche tout le temps, mais surprenant son début de saison. Ouais. Juste parce qu'on s'en attend pas qu'il nous donne ça en ce moment, puis il devrait donner yes, ça. Yes, man! Tiens, enfin, quelqu'un qui connaît ce coup-là. La job correct, honnête et correct de ce qu'il peut donner, si, Mallette. Si je le dis pas, ça, il mérite son poste, sa première paire. Mais... Non, il mérite pas un poste à long terme, sa première paire. Non, mais il joue bien, il mérite d'être en écoute classe. Écoute bien. Il mérite ce qui va bien faire marcher le team. Non, mais de ce que Terrien peut faire pour swapper deux defs, puis enlever Beaulieu de là pour lui donner sa tape ses doigts que Beaulieu a comme de besoin un peu, parce qu'on s'entend que Chris, la prise de décision de Beaulieu, puis sa première passe, puis tout ce que tu voudras. Mais il avait bien commencé, c'est man, pas, avec Weber, sa game contre Boston. C'est pas meilleur que qu'est-ce que Emelin peut faire. OK? Pour tout de suite. C'est un meilleur patineur. Pour tout de suite. Je te dis pour tout de suite parce que Beaulieu. Ah ben, Beaulieu, il ramasse bien plus. Beaulieu a plus de. Ouais, Chris, moi, c'est pour ça que je veux pas qu'on le perde. Parce que c'est le seul joueur. Mais c'est ce qu'il est pas constant, lui non plus. Non. S'il continue comme ça, parfait, donnez-lui un rôle de 3-4, mettons, là, mais. Oui, il faut qu'il retourne à sa vraie position. Il est pas à sa vraie position en ce moment. Il est trop haut. C'est ça. Sa troisième paire, c'est parce que. C'est pas correct, là, tu sais. Mais on le sait que c'est un c'est temporaire, c'est ça. Mais vu qu'il joue bien puis qu'il est comme on peut dire en feu, il a joué 20 minutes. Ouais, son premier but en genre un an et demi. On niaisera pas avec son premier but en un an et demi là. Ben, sûr qu'on fait Canek, il y en a deux en 32. On fait nos moins genre vite fait ou on attend. Ben je pense qu'on va être unanime des moins là. Des moins? Non. OK, ben on attend ça à deuxième. On peut faire une entraque et on peut revenir pour. Hey, les moins. Parce que la période est finie. Je suis pas sûr qu'on est unanime. Là. Ok, on va aller faire une entraque et on revient pour la deuxième période avec nos moins et les extraits audio de la semaine. On est de retour pour la deuxième période. Start nous. Fait qu'avant de faire les. I start to M10. Comment ça, je m'en reviens. Fait qu'on va faire nos moins avant de faire les extraits audio de la semaine. Fait que JF, ton moins. Plekanec, c'est sûr. Là. Ça y est. Hey, tabarnak. Attendez rien que ça. Hein? C'est l'attaquant qui est le mieux payé dans l'équipe à 6 millions, puis il joue comme une graine. Je te regarde parce que tu l'aimes, là. Mais non, écoute, là, il a rétrogradé sa troisième ligne. Là. D'après moi, on est en train là, comme d'ouvrir les yeux à Alex. OK. Achète-toi un chandail de Vegas parce qu'on va se retrouver au repêchage. Monsieur, il pluguait sa système de lait. Faites votre tour de table. Réagir après. Qu'est-ce qui, tu sais, dans le fond, là, répondez-moi à ça, puis je vais peut-être enlever mon moins. Qu'est-ce qui fait de bien sa glace à l'heure actuelle? Les mises en jeu. Il n'y en a même pas 40%. Mais tabarnak, Galchenyuk, il y en a combien? Oui. 2%? Oui, Galchenyuk. Oui, il produit Galchenyuk. Il y a 6 points dans l'année. Là, Plekki, il y en a 3. Galchenyuk, il soque, c'est mis en jeu solide. Ah oui, Chris, mettre Mitchell à sa place. Ouais. Non, mais sérieux, Plekanec, pour moi, là, c'est zéro puis une barre. Puis on a une lacune présentement à l'avant. C'est au centre, derrière sa deuxième ligne. Ça t'offre pas longtemps. Plekanec l'année passée, toi. Hein? Non, jamais été. J'ai rien compris. T'étais pas bandé Plekanec tout l'année passée. Une game parce qu'il avait mangé un coup de poing sa gueule, puis je trouvais ça magistral dans l'écran. Mais pas marchant. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ok, anyway. Excusez, je trouvais ça magistral. Bon, fait que c'est Plekanec. Plekanec. Pour toutes les raisons. Suspensionné. Toi, Mart. Ton moins. Il a comme volé mon moins. Non, là, on a le droit de répéter. Je sais pas. Un moins, c'est dur à dire parce que les gars, ils jouent tout bien, là, pour vrai. Bon, moins, je le donnerais à. C'est vraiment dur à dire pour vrai. Je vais le donner à Beaulieu, je pense. Hein. Oh. Parce que Beaulieu, man, on l'attendait, puis il était supposé être le gars qui se pointe. Là, moi, personnellement, je l'attendais cette année, puis là, à date, c'est vraiment pas malade. Beaulieu, là, il est plus 8, le pire. Ah, parce qu'il a joué avec Weber. Mais il a joué avec Weber au début. Ouais, mais en tout cas, nonobstant ça, moi, je veux dire, quand je regarde la game. Nonobstant. Puis il est supposé de produire. En tout cas, quand je regarde la game. Je dis qu'il est plus 8. Arrêtez de dessiner sur les calices de stats. Puis laissez-moi anyway, c'est ça. Son quand point, je regarde la game, c'est. Sans moi le Corsi. Hashtag Corsi moi le sac. Anyway, Beaulieu. That's it. Okay. Dave, vas-y avec ton moins de bas. Ah, ouais. Avec ton sel des mains. Moi, c'est Plekki, c'est sûr. Ok. Il me fait chier. Il me fait chier. Puis honnêtement, je suis pas un défenseur de Plekki d'habitude. Je suis pas un hater de Plekki. Je suis pas un méga fan non plus. Ah, mais tu t'ouvres les yeux comme tout le monde. Mais. Non, j'ai tout à fait. Ça saute, non, ça saute en face. Justement, moi, c'est ça, c'est que j'ai des ondes grises. Je suis capable de dire quand Pléqué est bon, puis je suis capable de dire quand Pléqué il soque. Ah, puis mais là, il est plat. Là, il soque, puis il est sans saveur, puis il est genre. Il est tout teinté sans saveur. Asti, asti. Il goûte. Il goûte il... un style Murder de G-Park, Chris. Ah, il y a deux buts en 35 games. Il goûte la plante, quoi. Il y a de l'air, asti, une canne de polyphila. Asti, j'aurais plus le goût de me prendre une bouchée de baking soda, asti, que je sais pas. Passer une soirée avec Pléqué. Alexandre, vas-y. Ton moins. Bon, première chose, je vais quand même défendre mon protégé. Ben, dis ton moins. Non, mais honnêtement, ça dépend tout le temps des attentes. Honnêtement, l'année passée. De quoi ton moins cette année? Tu parles de ton moins? Ta femme tue. L'année passée, Pléqué, il était sa coche. Il faisait ses points, un métronome. Le métronome, il faisait tous ses points, il faisait tout ce qu'il avait à faire. Après ça, j'ai fini Esti en haut de 60 points, puis j'ai fait 20$ avec toi. Non. Oui. Amnésie manette. Ben, on n'a pas gagé. Il y a deux ans. L'année passée, c'est moi qui ai gagné. J'ai dit qu'il y a Galchenyuk qui ferait plus de points que Pléqué. C'est vrai. Puis Pléqué a fait plus de points. Non. C'est à la fin de l'année. Anyway. C'est bon. Fait que, ça pour dire que cette année, je m'attends pas à ce que Pléqué soit sans numéro 1 ni sans numéro 2. Ça dépend de tes attentes. C'est sûr qu'il n'y a pas numéro 1. C'est sûr qu'il n'y a pas numéro 1. Puis il n'y en a pas de numéro 3. Parce que ouais, on est comme parce que et là je vais m'en aller. Vas-y, vas-y. Je vais m'en aller à mon moins qui s'en vient. Moi je pensais tu sais dernier dans le 1 ou 2 puis Galchenyuk 1 ou 2 parce que il y en a qui sont bandés Galchenyuk ici. Pis, moi aussi avec raison. Puis il est censé être 1 ou 2 Pléqué qui ben, il est 1, il est pas 1 ou 2. Il est vieillissant. Oui. Puis moi, je m'attends à ce qu'il soit un numéro 3 cette année. Parce qu'on nomme plus les trios bon, à Montréal. Chris, tu dirais ce que je pense depuis tout le temps de Pléqué. Ouais, c'est vrai, mais c'est bon. Ouais, l'année passée, il était meilleur centre que Galchenyuk. Fait que, non. Numéro 1, 2. Puis il a fait ses points, puis c'est correct. Parce qu'il a fait bien des points l'année passée. Cette année, il y a un début de saison mollo. Il a pogné une coupe de pine. Ça rentre pas en ce moment. Mais ça rentre vraiment pas tabarnak, il y a trois filets déserts en avant lui, puis il l'a collé dans le fleuve. Hein. Mais, mais tu sais, à sa défense, il a jamais été flamboyant. Non. Fait que ça dépend de tes attentes. Si tu attends ce qu'il fait des esti de Spinorama dans le centre de la glace, ben, caliste, tu l'aimeras pas, Plekanec. Ben, il y en a un, on avait un qui cherchait des Spinorama, puis je l'aimais pas non plus. Ben oui, mais moi, je cherchais un gars qui travaille, puis tu sais, Radulov, c'est pas comme s'il avait 50 points. Mais je suis pas en train de. Je veux voir son moins. Je suis pas en train de donner mon plus, là. C'est pas ça pour toi. Ok, va ton point. Moi, je m'attends pas à ce qu'il soit extraordinaire cette année. Parce que. Tu sais, éventuellement, il va lever les pattes, lui-là. Là. Ouais, mais bon, okay. En même temps, là, Alex, là, on nomme notre moins par rapport à la dernière semaine qui vient de se passer. Je veux dire, présentement, on va pas le nommer dans nos moins, genre à chaque semaine, parce qu'il va faire son lot de points. Il va faire les points qu'il mérite de faire puis qu'il fait habituellement, à peu près. Oh, genre ouais. Entre 50 et 60 points, non, ça devrait jouer dans ce coin-là. Puis on en 60, il sera pas tout le temps dans nos moins. Mais présentement, son début de saison... Il n'est pas ordinaire, il est atroce. Ouais, il n'est pas très bon. Fait que, tu sais, c'est un moins qui se défend. On savait là, que ça cognait à la porte, ça. Tu sais, genre le tas de marde en avant d'une porte. Là. Mais là, tu sais, parle de genre, c'est quoi ton moins? Ouais, c'est ça. Bon. C'est Pléqué, finalement? Non, c'est pas Pléqué. Dis-moi ton moins. Ben, en fait, hier, avant le début de la partie d'hier... T'as eu une révélation. Moi, j'avais des moins en tête, puis finalement, mais... J'ai été confondu, tabarnak, parce que je voulais mettre Pacho, puis il y a deux points hier. Je voulais mettre Galchenyuk parce que je m'attendais à plus, mais il a scoré hier. Parce qu'honnêtement, je m'attendais à plus de Galchenyuk. Qu'est-ce que j'ai dit, Galchenyuk? Ouais. Anyway, Galchenyuk. Ouais. Mais je m'attendais honnêtement à plus de Galchenyuk. Ses mises en jeu, il est fucking atroce. Ah, mais ça, c'est et je m'attendais à ce qu'il step up sa game, qu'il arrête de faire ses esti de fantasy, qu'il longe les bandes. Je m'attendais à ce qu'il shoot un peu plus, qu'il prenne la maturité, qu'il prenne un petit peu plus de place dans l'équipe. Honnêtement, je suis un peu déçu. Puis hier, ben, il a scoré, fait que je vais fermer ma gueule. Mais je vais aborder dans ton sens. Puis Beaulieu, honnêtement, il suce un peu. Là. Ah oui. On s'attendait tous à ce qu'il step up. On l'attend cette année, c'est son année, faut qu'il step up, c'est cette année là. Tu step up, ça fait des années qu'on t'attend, puis là tu joues avec Weber. Tu step pas up, fait que step up pour get out. Puis tu joues avec Weber, fait que t'as comme pas trop d'excuses parce que le kid il est bien entouré, fait que yes. Non, c'est ça, c'est cette année qu'il est supposé être clair. De lâche, man. Le gars, il s'est battu hier là, contre l'autre. Mais ça, ah, c'est j'ai cool. Pas vu le match ça, hier. Ça cool. Mais il gèle deux fois sa gueule. Le gars, il est rendu à terre. Puis il continue à le varger quand il est à terre. Mais c'est parce que. Ouais, mais... C'est pas sportif. Puis après, il se lève. Puis mais c'est un sociopathe. Après ça, il se lève. Ouais. C'est lui qui bat son. Il se lève. Je suis d'accord. Il se lève, puis il s'en fait un clin d'œil au banc. Il est genre, si j'y ai pété à la gueule, mais Christian, son clin d'œil s'adressait à Price. Non. Mais, amen. Non. Il l'a collé ça à terre parce qu'il l'a pogné sa gueule. Attends, recule, 6 mois en arrière, Beaulieu se faisait knock the fuck out, mais personne s'est fait knocker même de toute l'année 2015-2016. Quand il s'est battu et il s'est fait geler, là, et il voyait, il était sur Mars, il était plus là pantoute. Mais c'est pas puis après ça, quand tu vas te battre, le gars, il s'enfarge un peu, il faire des clins d'œil. Man, occupe-toi de ce que t'as à faire sur la glace avant de jeter les gants. Mais ben, en même temps, il back pas devant personne. Tu sais, je veux dire... Non, il n'est pas peureux, par exemple. Il n'y a pas froid aux yeux, tu sais, on peut pas... Pas comme la shot à Stick Markov s'est fait geler, puis Pacho, il est passé à côté de... Qui a gelé Markov déjà? Je me souviens plus qui est ici. Mais Markov, c'était un candidat dans mes moins. C'est contre Ottawa. Ouais, Markov. Markov, c'était un candidat dans mes moins, j'y ai pensé, puis... Hier, il n'y a pas eu de mauvaise game non plus. Fait qu'hier, j'ai comme vraiment été Markov, fourré parce que j'avais 3 joueurs que je voulais... Markov, il a joué comme Markov hier. Ben Markov, Chris, se coupe-y son temps de glace. Là. C'est fait. Et surexploite les pas, là, puis tu vas être correct. Markov, c'est quand même encore un bon défenseur pour une deuxième paire. Là. J'ai regardé sa première passe, comment il sort la puck là, de la zone là, quand même. Là. Il est solide, là, tu sais. Mais c'est juste que c'est quand il est embourbé dans sa zone, c'est là que ça devient compliqué. Ah non, c'est quand ça, il est en avant de son net, puis il faut qu'il def. Comme Emeline. Mais Emeline, c'est sûr que c'est pas un grand jeu de pied non mais plus. Sauf que là, c'est différent. Là, je veux dire, Emeline, il est bon sur le bord. Il est un peu plus lourd. Mais Markov, ça, il est bon pour relancer la Emeline attaque. Est à son plein potentiel. Puis à l'âge que Markov avait, à l'âge d'Emeline actuellement, Chris Markov était ultra dominant. C'est sûr, tout le monde était plus dominant qu'Emeline. Markov, ça a été un très bon défenseur que le CHE. Mais Emeline a ses qualités. Emeline, pour moi, c'était un genre de Igor Ulanov 2.0. En fait, Marc, je te dirais que... Ben, moi, j'aime ça, Igor Ulanov dans mon line-up. Ulanov. Ben, si toi, t'aimes ça, c'est une petite patineuse de fantasy, là. Moi, c'est... Non, mais comme défenseur... Moi, je partage pas mon team avec toi. Comme défenseur, oui, t'en as besoin des solides, mais tu sais... Ah oui, t'en as besoin. C'est qui va varger? Emeline, là, on s'en... Weber? Varger, tu veux dire Weber, faire des checks. Parce des que gros checks. Varger, il varge pas. Je te parle... C'est pas Emeline qui va dropper, là. Ça paraît pas, tu le vois pas tout le temps, mais ce gars-là, Emeline, là, il finit tout le temps dans le top 10 des gars qui ont plus de body check dans les nationales. C'est Jazz dans le Golden Eye. C'est pas Patterson qui va le faire non plus. C'est tout ce qu'il fait, parce qu'il fait pas grand-chose d'autre. Oui, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux que le gars, il rentre pas de son bord. C'est pas parce que tu frappes que ça fait toi un bon défenseur. Non, mais je veux que le gars, il rentre pas de son crisse de bord à lui. Il rentre de l'autre bord. Il force à rentrer de l'autre bord parce qu'ils savent que ça va faire mal. Tu sais, c'est ça l'affaire que je me dis, lui, c'est sa qualité, genre. Je vais donner mon moins à Beaulieu, moi aussi. C'était ça mon moins bon, pour les deux dernières semaines. Je suis assez d'accord. Là. Fait qu'il y a juste eu 2 plaquis. Ouais. Deux plaquis, 3 Beaulieu. Non, c'est parce que plaquis, là. Faites vos jeux, Sti. Plaquis, je me dis, Sti, c'est juste le temps qu'il start un peu. Là, il va aller faire. Moi, gars, écoute, moi, Sti, j'ai même pas besoin d'en parler, là, de plaquis, là. Mais il va aller chercher, genre, ses petites shit, là. Tranquillement, pas vite, là. Comme un écureuil, man, Sti, qui ramasse ses noisettes, Chris, avant l'hiver, là. Fait que là, toi, tu craches sur tous ces points-là. Non, gars, il ramasse ses noisettes, puis ça va dormir. Dodo. Dodo hiberné. Ah, mais tu parles comme si j'avais dit que c'était le sauveur, mon gars. Je m'adresse pas à toi en disant ça. Mais honnêtement, vous pensez vraiment que je pense que c'est le sauveur. Glendo, ils ont fait un héros, puis il s'appelle Jagger, mais... Plekanec, il... Ah, mais c'est un vrai héros, là. Bon c'est le troisième pointeur de la Ligue nationale dans l'histoire de la Ligue des records. Non, ça n'a pas rapport. On n'a pas dit que Usain Bolt venait de là. Je veux pas comparer. je veux pas comparer à personne, mais... Tu mets trop d'attentes sur Plekanec. Je mets pas d'attentes. J'en ai pas. Si, sérieusement, j'en ai quand pas. Quand un gars, il est payé 6 millions par année, puis il est payé pour t'attends qu'il joue ses 2 premiers. Mais là, il achète son contrat. Il reste 2 ans. Il vient de commencer. Ben, il va finir, par exemple, à Las Vegas, sûrement. Ils vont le liquider là-bas. Ah, oh, moi j'aimerais bien ça. Si c'est ça qui arrive, tabac Marco. Ah ouais, la boîte ouais. On a ça. Assez parlé de Plekis, là, c'est assez. Là. Ah, ça, c'est vrai. Moi, je me sens blessé. Parce que là, on va aller pour les extraits de Terrien de la semaine. Mais avant ça, on a une rumeur sur Bergevin qui est en suspens depuis quelques semaines, voire quelques mois. Tu t'en rappelles-tu? De la part de M. Alexandre Gromp ici. Là, hey, man. Ça, il dit, hey, les gars, il est dans le chat comme au mois de juillet. J'ai une rumeur sur Bergevin. Je vais garder ça pour le podcast. Puis il revient l'épisode 5. Je reviens ici au mois de novembre. Il dit ça genre au mois de juillet. C'est quoi ta non, rumeur? Je dis ça au mois d'août parce que c'était pendant les Olympiques. Puis j'ai fois et moi mes sources. Je me suis mis, ça fait longtemps. T'es chaud. Alors, je devais être chaud aussi. Là. Mais hey, c'est tellement pas pertinent. Pourquoi je sors ça là? Mais Bergevin aurait été vu à Montréal en sortant d'un resto, il s'en allait chez eux avec une certaine ancienne olympienne. Oh! Annie Pelletier? Exactement. Taillère? Ouais, j'ai dit ça de même. Ben oui, pareil que couche avec Annie Pelletier. Ben, il sort pas avec Linda. Linda Godet? Il sort pas avec mais Linda. Je sais, mais je... Ben, c'est ça que 25 Stanley, puis hockey 36, il a dit. Là. Je sais pas. C'est peut-être un Tinder date, là, tu sais. Ils sont peut-être juste Tinder. ils sont matchés. Tabarnak, méchant calice de duo, pareil, pour un Tinder date. Ils sont matchés. Ils sont likés, man. Ouais, c'est ça, tu sais. Imagine, t'aurais peut-être plus liké Annie Pelletier, tu sais. J'aurais aimé ça, si. On verra bien. Elle est très jolie. Ben, bref. Annie Pelletier, elle vieille bien, là. On l'a déjà vu, Dave, moi. Il me semble dans un Val-Cartier là, à Québec. Pardon, à Val-Cartier, il faisait une pub, mais je devais être complètement défoncé, peut-être quoi, je m'en rappelle pas. Je sais pas, mais non, je m'en rappelle pas, genre à Val-Cartier c'est pas assez. Ouais, c'est elle qui faisait les pubs de ça, puis elle filmait pendant qu'on était là. C'est sûr, j'étais sous. Elle filmait mais voyons donc, elle se faisait filmer en maillot de bain. Mais j'espère que c'est une pub de WAP. Ouais, mais ça devait être ça le pire. Fait que là, on va aller des avec c'est cool, avec One Piece. Avec le petit logo Canada dans le centre, là, juste en haut dans le chest. Ça peut être fou, un One Piece. Après, on va parler d'Anne Pelletier. On va aller faire les extraits. C'est rarement fou, un One Piece. C'est rarement fou. Les extraits audio de. Olympique, cette version semaine... olympique, ça peut être correct. Cette semaine, j'ai pas de Bergevin du tout. Aux Olympiques, oui. Juste du terrien. Tu te contentes de peu. Non, mais ta femme, tu d'ailleurs. Aux Olympiques. Fait qu'on va écouter ce que Michel a dit sur son début de saison, à part qu'il est content, là. Il arrive plein de choses hein, au courant d'une année. Là. Je pense qu'il y a eu des ajustements des majeurs qui s'est fait au courant de l'été. Comme je me suis souvent répété durant le camp d'entraînement, la chimie de cette gang-là est extraordinaire. Qui nous a permis d'avoir un bon camp d'entraînement. Quand tu as un bon camp d'entraînement, tu es capable d'avoir un... Tu peux envisager d'avoir un bon début de saison. Mais il en demeure pas moins qu'il y a de la compétition à tous les jours pour s'assurer de compétitionner. C'est bien long. Est-ce qu'on est parfait présentement? Non. Je regarde à travers la Ligue, il n'y a pas grand monde non plus qui sont parfaits. Ils sont rares les équipes qui sont parfaites. Pourquoi? Ben, les genres de camp d'entraînement que les équipes ont eu avec la Coupe du Monde. Il y a tellement de salive qui parle. Je pense que ça a un impact. Il parle ça, c'est le nombre de lancers par les équipes, les buts accordés à travers la Ligue par les équipes. C'est un petit peu inhabituel. Qu'est-ce qui peut être spectaculaire aussi, par exemple, pour les fans. Mais les équipes, les fans. Quand ils ont la chance de travailler sur certains détails, c'est ça qu'on fait. Puis je suis convaincu que les autres équipes le font aussi. Mais une chose est certaine, Marc, comme qu'il l'a toujours fait, on évalue la situation de nos joueurs. Ça finit pas. Et si dans une position où l'organisation pense qu'on est capable d'améliorer l'équipe, il va le faire. Il ne restera pas les bras croisés pour regarder la parade, ça c'est sûr. Oh non, il a check pas la parade de Marc. Hey, mais un camp entraînement. Un camp entraînement. Les gars arrivent au camp entraînement puis la course. Bon, c'est marrant. C'est un bon camp entraînement. Il n'y a comme pas vraiment de virgule. Un bon camp entraînement. Hein. Mais au moins, tu vois qu'il est satisfait. Non, il n'y a pas de virgule. Lui, il prend ses. Je suis content. Puis je suis content d'en parler aussi. Terrien, il n'a pas besoin de virgule. Il est ralenti par sa salive puis son bras de cou. Moi, je me demande, genre, c'était quoi la question à ça? T'es satisfait de ton début de saison? Tabarnak, c'est donc bien justifié en mon gars. Ah, il s'est donné en ça là. Mais il est content. Il est de bonne humeur. Il a un bon camp d'entraînement. Deuxième extrait, il parle de la philosophie de jeu du CH. On écoute ça, c'est palpitant. Oui, c'est une philosophie de jouer. Nous, notre philosophie, on veut pas jouer ses talons. On veut jouer sur la pointe des pieds. On veut mettre une pression sur le porteur du 10. C'est comme ça qu'on veut jouer. Il veut pas faire de bruit. C'est comme ça aussi que je sens mon équipe qui est à l'aise. Quand on se met à jouer ses talons, on n'est pas à l'aise d'en jouer dans ce style-là. Il y a mais tout en étant très responsable. Vous m'avez souvent entendu parler d'être responsable. Quand on a la rondelle et quand on ne l'a pas. Donc, ça va tout dans l'enseignement qu'on essaie de faire avec notre équipe. Moi, la question que je me pose, là, c'est que... Tu sais, là, tu l'entends parler de même, OK? Là, tu l'entends là, comme en conférence de presse, ouais, là, ouais. Même. Dans le vestiaire, quand il s'adresse à ses joueurs... Il parle pas, c'est malheureux. Il parle en anglais. Non, OK, admettons, whatever. C'est le coach du Canadien. Qu'est-ce que tu penses qu'il reste comme de... Les gars font comme... Ah ouais, Michel Therrien, man, c'est notre gars, Nasty. Tu sais, je veux dire, à part que Weber est arrivé, que lui, il dresse le vestiaire plus peut-être à la bonne façon, puis lui, doit avoir un bon contact avec Therrien. Mais ça doit être tout Weber, man. C'est clair. Price qui passe tous les messages parce que lui, le monde. Mais non, ouais, l'équipe, le monde, ils doivent l'engager, ils doivent faire comme. What the fuck? Toutes les Russes, ils s'en collent, c'est ce qu'ils disent. Tellement, man. Puis après toute l'usure des années, ben, en tout cas, Peut-être, c'est pas tout, pas les photos qu'on avait mis que Subban n'écoutait jamais, là, il était debout de dos, puis il checkait son stock pendant que. Ouais, mais lui, il se comportait comme un asshole, c'est là. C'est ça, c'est pas une façon de te comporter, je trouve, d'investisseur. C'est pas lui qui va te faire le speech épique là, avant une game quand tu perds, mettons, par un but. Non, mais non, sans avoir de speech épique. Parce que si t'as le gars. Non plus. Non. C'est pas ça qu'on peut faire le speech épique. Le coach doit dire un motivateur. Ouais, il va dire son mot, mais entre les périodes ou avant le match, ben, c'est les joueurs ensemble qui se prennent, puis c'est le capitaine. Ouais, je suis d'accord. Ça dépend du coach. Ça dépend du style du coach. Ouais, parce que tu peux avoir un coach qui est full verbal, qui va rentrer comment. Le coach, il va donner son style de jeu, il va donner les lignes, il va tout s'organiser pour que la glace, ça se passe bien. Je pense. Après ça, la motivation, ça se passe dans le vestiaire. Ben non, c'est ça qu'on parle. Ouais, mais tu checkes. Dans les périodes, le coach est jamais là. Ouais, mais oui, il est là. Des fois, c'est à Montréal, c'est souvent l'assistant coach qui est là, par exemple. C'est rare. C'est jamais. Ouais, mais t'as peu. Comme par là, exemple, ça doit être okay, ça, je te le donne. Qui, OK, qui mais ça dépend de style du coach. Mais quand tu le checkes en arrière du banc, là. Il est à côté un peu de côté. C'est pas un gars qui est full verbal. Ça n'est pas un gars. Ça n'est pas un gars. Quand t'arrives en série, là, t'as des coachs, mon gars, qui vont t'en faire en crise des speeches de motivation en plein milieu, man. Mais ça a-tu plus d'impact si c'est le coach qui fait le speech ou si c'est un gars dans la chambre? Ça n'a pas plus d'impact, c'est une combinaison de plein d'éléments. Moi, je trouve que le coach est meilleur en arrière du banc. Je trouve son efficacité a l'air plus là quand tu le regardes, dans le fond, que, admettons, entre les périodes dans le vestiaire, mais c'est surtout celui qui va quand même donner le mot de ralliement, là. C'est comme le président de ton de ton syndicat, là, tu sais. C'est pas lui qui va te faire les plus grosses décisions, mais c'est lui qui va faire comme... C'est lui qui va starter le bal. Il va comme initier le fire, puis après ça, justement, des gars vont stepper up. Comme justement Price, Weber... Mais je me demande jusqu'à quel point les joueurs du Canadien s'en collent de ça. Non, je te parle pas des speeches. Les speeches les plus influents, puis les plus motivateurs, puis ceux qui vont avoir plus d'impact, c'est pas le coach qui va le faire, c'est les gars dans la chambre. Puis Price, il dit pas un crise de mots. Ouais. Weber, il c'est pas son rôle. C'est pas son rôle non plus. C'est pas son rôle. Qui ça? Price, il va prêcher par l'exemple. C'est d'être calme avant la game. Lui, il va prêcher par l'exemple. Je suis sûr que Price parle plus que ce qu'on pense. Parce que Price, il est pas à l'aise devant les caméras, man. Ce gars-là, il est clairement pas bien. Il est rendu moins bien. Hey, man, t'as-tu écouté la game contre Tampa Bay? Ouais, mais j'ai pas vu la fin. Quand il a parlé. Tabarnak! Il reste trois extraits. Quand il a parlé, genre, pour son étoile, là, qu'il a eu la première étoile, man, il a dit fuck all, il avait pas le goût. Il est arrivé, genre, comme super longtemps après. Genre, ça a pris du temps avant qu'il arrive sur la glace. Mais je pense que ça il tentait pas. Il avait le goût d'aller avec ses chums, célébrer, man, la victoire. Pas d'aller, genre. Puis il parlait là, puis genre il disait, je pense qu'il a dit genre quatre fois le mot composure. Our team got a great composure. What about Tampa Bay? They got a great composure. What about this player? I got a great composure. Man, il a pas le goût parce qu'il va le faire 30 fois pendant la saison. Mais c'est gossant ça d'arrêter un gars puis interviewer devant la foule. Tu sais, il fallait après. Au moins, à chaque fois qu'il va donner ses pas, qu'il les donne à des enfants. Pourquoi il peut pas juste donner ses pas, signer à caméra puis juste pas parler? C'est correct. Après les pas, bye bye, tu sais, puis signer l'écran. C'est le fun au début. Au pire, là, une question, man. Une question. Mais attends un peu. Non, mais c'est pas besoin de commencer. Allez, on va passer. Mais je veux juste dire une affaire, par exemple, Price, là, son leadership, c'est sûr que ça sera pas en parlant. Ça va être c'est avec les saves qu'il fait. Quand il y a un gars qui part en breakaway, man, puis il fait le save, là, tout ça, là, les gars, ils disent comme, OK, gars, yeah. Là, Chris, faut qu'on se réveille. Il nous a sauvé le cul direct, là, il nous garde dans le game. Faut que soit on ait un score et un, ou c'est le même qui se manifeste. Ben justement, le prochain extrait, c'est Terrien qui va nous parler de Price. Il parle de 60 matchs pour Price cette année. Écoutez comment que Michel est relax en début de saison quand que ça va bien puis que le Canadien gagne. Non, mettons, comme on disait, l'idéal, c'est qu'il joue 60 matchs. OK? OK. Okay. C'est pas à cause qu'il a manqué certains matchs qu'on voit l'estron, on va le presser un petit peu plus. Ça fait toute partie d'un processus de s'ajuster. Il a manqué les trois premiers matchs. Il va dire qu'on est je ne peux pas vous garantir encore à 100%, même que j'aimerais ça. Là. Vous le dire pour demain, juste que je n'ai pas la réponse avec moi. Là. Puis je suis transparent là-dedans. Il ne l'a pas apporté. Il ne l'a pas apporté. Non, mais c'est une discussion. Hein? Non, mais j'ai pas fini de répondre. Ah, il est relax en crise. Hein? C'est à quoi ta question? si on était pour... On s'ajuste toujours. Comme je disais, c'est pas à cause qu'il a manqué les trois premiers matchs qu'on va commencer à presser plus le citron en temps et lieu. C'est sûr que tu as un plan, mais il faut toujours que tu sois prêt à t'ajuster. Benjamin Pitérien. Hey, j'ai hâte de voir s'il va rire autant, mais qu'il y a une compétition. C'est ça. Benjamin Pitérien, son bien se mettre en début de saison quand tu gagnes 8 games en ligne, mais si tu passes en 20, là, et tabarnak, ils veulent plus te parler, puis ils te bavent, puis ils sont secs. Puis moi, je peux te dire là, que ça fait longtemps, par exemple, qu'on n'avait pas entendu un coach faire rire autant un journaliste. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est sérieusement, sûr, là, Pitérien, il te fait tuer, toi. Hein? Il te fait tuer. C'est sûr qu'ils rient, eux autres aussi, Calis. Écoute-les. Oh, ouais, non. Ouais, non, mais je pense. Non, mais eux autres, l'ambiance, ils savent. Ils rient de sa gueule. Parce que eux autres. non, on rit de lui. Sa réponse, c'est pas payé pareil. Parce que les coachs sont tellement stock-up dans le hockey. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est capable de genre mettre ça comme smooth. Il met ça feutré. J'ai jamais entendu un journaliste rire quand c'était l'autre qui était là avant. Jacques Martin. Ouais, mais tabarnak. Ça riait pas, là. Il entendait pas rire, lui, non plus. Mais non, mais t'as rien. Il y a des bonnes lines, pareil. Tu sais, il close quand même les journalistes. Ah, ouais, là. Un humoriste de la relève, là. Les deux qui restent, le prochain, il parle de Petrie et Jeff. Tu vas être content, là. Il parle de la blessure à Petrie, en fait, là. Bah, c'est un défenseur de qualité, hein. Donc, définitivement, quand il est dans l'alignement, il fait de nous une meilleure équipe. Tout aussi simple que ça. Il est capable de jouer différents rôles. une de ses qualités, c'est un bon patineur. Distribue bien la rondelle. Il est capable de jouer sur notre jeu de puissance, en désavantage numérique. C'est des genres de rôles, quand tu perds un joueur comme ça, qui est très dur à remplir. Il y a certains gars qui ont des rôles importants. Et quand tu perds des joueurs qui ont de ce genre de rôle-là dans une équipe, c'est dur à remplacer. C'est comme un film. L'acteur principal est malade. C'est dur de le remplacer. Et lui, il a un rôle important dans le script. Fait que c'est ça, là. Ah, il sent beau. Ah, il sent beau. Il répète. C'est terrible. Fait que rapidement, le dernier extrait qui reste, il parle des nouveaux venus dans le Canadien. Fait que les nouveaux, les newcomers. Oui, tu regardes un gars comme Radulov. Voilà. Radou! On connaît tous sa passion. Mais moi, je regarde aussi l'ensemble de nos nouveaux joueurs. Ils sont très bien intégrés à notre équipe, à ce groupe de joueurs-là. Que ce soit Radulov, que ce soit Weber, Shaw, Montoya. C'est des nouveaux joueurs qu'on est allé chercher. Et... je trouve que il s'intègre. Leur intégration était très bonne, mais très positive. Leur intégration est très, très bonne. Il y a bien des R là-dedans. Ouais. Fait que sur l'intégration, on va aller faire un entraque. On vous revient pour la troisième période avec Around the NHL. On est retour pour la troisième période. Bon, yeah! Bon. Et c'est le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Yeah! Around the NHL. On va commencer par quelque chose qui est écrit à main sur le papier. Alexandre, tu veux qu'on parle des Panthers? Hey, non, mais... ouais. Qu'est-ce qu'il y a des Panthers? On ne parlera pas des Panthers tant que ça, mais... Non, mais oui. Ils ont scrappé le signe des Panthers, tabarnak! Ouais, c'est lettre, hein? La nouvelle Panthère, ouais, ça a l'air de logo de soccer. Logo de soccer, calice! C'est dégueulasse! C'est une vraie honte. Le logo était tellement beau. Il était pas beau! Il était tellement beau! Comme toi, Estine! Il était beau! Les goûts, ça se coûte pas, là, mais tellement beau, là. Non, attends. On se calme. C'était un des beaux, là. Le tir était bien fait. Il était coloré, mon gars. Il était beau, il était agressif. Là, il s'est rendu une esti triangle de marde de soccer de la MLS. C'est dégueulasse. Il y avait des couleurs. Non, mais la preuve que les goûts, c'est chacun pour soi. C'est que moi je trouve pas que c'est un des plus beaux logos, mais pas pantoute. Moi, pour moi, c'était un des pires dans les nations. Le plus beau, c'est lequel? Dégueulasse, là. C'est lequel pour ça, le plus beau logo? C'est les Blackhawks. Les Canadiens. Blackhawks. Canadiens, c'est classique. Moi, c'est tous les vieux classiques. Les Blackhawks sont écœurants. C'est ça, c'est Blackhawks. Détroit est beau. Moi, là, j'ai un hostie de penchant malsain pour le orange des Flyers. Ah ouais, je l'aime pas, moi, là, les Flyers. Je le trouve agressif, ce style chandail-là. Leur nouveau chandail cette année, les Flyers, il est dégueulasse. Avec le nom en blanc. Cette année, le logo, le nom en arrière, puis les chiffres, c'est les bras, puis dans le dos, sont genre gold. C'est dégueulasse. Ah, c'est là. Non, moi, je parle du vintage, là, vraiment. Tu sais, le orange. Le Eric Lindros, là. Ouais. Mais pas orange comme moi. Moi, j'aime bien orange plus clair. Ah, ben c'est ça. À ce temps, il y a orange plus clair. J'aime le orange vintage, moi. Là. Le vrai orange avec le logo, je trouve. Ben ça, c'est le classique à la Bobby Clark. Non, le logo des Whalers. C'était à l'air d'un hostie d'orange de genre de cône, calice. Genre, attention, on est des cônes. Non, orange et noir, c'est violent. Non, non, mais le vieux orange, il est plus beau que le nouveau. Mais le nouveau orange, il est mais comme ça pour dire que le nouveau logo des Panthers, il est dégueulasse. Ben, mais c'est vrai que ça va être un logo. Cool. Mais il est dégueulasse. Mais tu vois, c'est vrai que ça va être un logo de la MLS. Mais il est plus simple, par exemple. Ils ont voulu le simplifier. Ils ont voulu simplifier, mais l'ont parce que moi, j'aime pas les logos trop complexes comme le logo des Panthers. Un grand logo tout plongé par trop de détails. Sais-tu quoi? Les Sharks ont modifié leur logo dans les dernières années, puis ils l'ont simplifié. Puis je trouve qu'il est beaucoup plus beau qu'il était avant. Ouais, mais là, le logo des Panthers est beaucoup plus laid que ce qu'il était avant. Ben, c'est parce qu'ils ont trop changé. Je pense qu'ils auraient dû peut-être garder le même affaire. Les Panthers, je pense que le chandail que j'ai préféré, c'est ça-là, qui avait comme le rond avec les palmiers, ses bras. Genre, là, il y avait les ça, c'est le premier, ça, avec les manches blanches. Ouais, mais il y avait quand même la grosse panthère en avant. Ouais, mais il y avait comme une version rouge. C'est le genre de team. C'est le genre de team que. Genre de team différent. C'est le genre de team que tu sais, il aurait pu faire un peu comme les Rangers, avoir le logo carrément, genre. Des lettres. Là, oui, oui. Parce que j'aurais pu mettre panthère en diagonale. Même panthère, il aurait pu la mettre sur l'épaule qui avait les palmiers puis faire autre chose. Mais tu sais. Ah, même, il aurait pu mettre genre comme. Mais là, ça a l'air d'un kit, c'est le logo de la MLS. Honnêtement, là, c'est pareil comme un logo de la MLS. Puis malade, encore plus, il aurait pu mettre comme une tête de panthère puis mettre comme la genre de couronne, la statue de la liberté, genre, tu sais, pour faire comme les Rangers un peu. Genre, attendez, on va le mettre à l'écran. Là, on va bleu, mettre à l'écran. Et rouge et blanc. Le logo des Panthers, le voilà. Là, c'est les cuissons qui fait que ça fait logo MLS. Parce qu'en tant que tel, la panthère, moi, je la trouve plus cool parce qu'elle est beaucoup plus on simple. On dirait un puma, man. Elle fait moins bébelle. Moi, j'ai jamais vu les Panthers dans NFL. Le signe des Panthers dans NFL est plus beau que le. Ouais, ben c'est ouais, ça. Ben ouais, mais là, oui. Là. Mais ça reste quand même une crise de panthère. Mais, ben astille, peut-être. Ils ont, moi, genre, je trouve qu'ils ont complètement scrappé. Ils ont complètement scrappé leur logo. C'est les cuissons qui fait cheap. Juste le petit, c'est vraiment les cuissons. Mais juste le petit logo, mettons, c'est Montréal, Floride. Là, avant, t'avais le signe, tu sais, le siège canadien. Il y a un écusson avec de l'armoirie en arrière. Ben, il est beau. Il est beau le logo, sérieusement. Non, mais les couleurs sont belles. Les cuissons, il est beau. Fait cheap, mais ça moi, fait pas OK. Mais moi, je trouve que c'est pas. Tu peux passer une marque d'achat, man, avec ça. Ouais. Un crest de char. Ben, c'est ça, mais c'est la même calice d'affaires. Non, mais je trouve un chat, c'est un chat. On va prendre un game Canadien-Montréal. Tu sais, d'en haut, t'as le signe où le pointage, le CH de Canadien, puis tu vois un esti des cuissons de la MLS. Ouais, c'est comme quand on joue soccer. Tu vois un game contre les Panthers à Montréal? Ben, pas encore. Bon, mais on s'en calisse. Non, mais je trouve que on a un round de NHL, esti. Il est let, leur logo. Ben oui, il est let, leur esti. C'est le droit de le dire. Tabarnak. Oui, c'est correct. On ne passera pas de demi-heure là-dessus. Mais le plus let, c'est Hurricanes de loin, là. C'est un esti de proche, il est beau. C'est un bol de toilette. Les Hurricanes, il est assez désastreux. On dirait que c'est un wannabe Red Wings de Détroit. Non, c'est un bol de toilette qui spin, mon gars. C'est, en fait, pour moi, les Hurricanes, c'est comme fuck all. C'est absolument rien. Une équipe de merde, ça. Ouais. Ouais, une équipe de merde avec un logo de merde, un team de merde, des joueurs de merde, pas un coach de merde. Esti, les gars, vous dites tout ce que je pense. Hey, là, on va parler des Oilers, par exemple. Le coach des Oilers, Todd McLean, a retraité Benoît Pouliot de stupide en conférence de presse. C'est Jeff, vrai. T'as des infos là-dessus? C'est vrai. Ouais, il y avait une game où Benoît Pouliot a pogné deux pénalités, puis sur les deux pénalités, ils ont scoré deux buts l'autre équipe. Puis le coach était écœurant en esti, fait qu'il traite de stupide. Ça, c'est des jeux stupides. Mais tu sais, Benoît Pouliot, c'est ça, là. Non, mais. Un gars stupide? Ouais, mais Benoît Pouliot. Non, mais c'est tout le temps des deux stupides au mauvais moment qui te coûtent une game. Les Rangers, pourquoi tu penses qu'ils ont perdu? Ouais. C'est vrai, le pire que Pouliot, il faisait ça. Même avec le CH, il faisait ça. C'est sa réputation. Puis ils ont donné un contrat de 5 ans à 5 millions par année, gang de cave. C'est un joueur paresseux, Pouliot, man. Ouais, oui. Quand ça n'étend pas, il se traîne les savates, man, puis il pogne des pénalités de merde. Pénalités de merde, mais je pense que ce gars-là n'a pas inventé le point tranché. Le point tranché. Ben, c'est spécial, pareil qu'un coach traite un joueur de stupide en pleine conférence. À quatre trous. Ah non, c'est sûr. Il n'a pas inventé de point. C'est ça, comment qu'on aurait réussi le point. L'émission Le Point. On parle de paresseux. Un qui n'est pas paresseux, Connor McDavid, qui aurait forcé ses coéquipiers à pratiquer le lendemain d'une défaite de 6-2 face aux Sabres de Buffalo. Justement, le lendemain de cette défaite-là, où ils ont mangé une crise de volée, ils étaient sur leur congé, c'était le dimanche, puis Connor McDavid dit non, on se pratique, là. Puis les gros monsieur, dimanche. Le capitaine a dit qu'on va pratiquer Chris, dimanche. Le jeune Chris, capitaine hein? Se lève. Hey, quand je te disais tantôt que le coach. Il plaçait ses lignes, tout ça, mais que le vrai leader, c'est le capitaine, c'est dans la chambre que ça se passe, mais c'est exactement mon point que tu prouves. Là. Ben, c'est un exemple, mais c'est un jeune capitaine. Hey, si le coach avait dit, on travaille demain. Non, mais parce que ce qui arrive, c'est que si dans le fond, si le coach avait dit, on travaille demain, les gars auraient été sur la glace puis auraient dit, on travaille demain. Non, mais le coach, ils sont obligés. Non, c'est parce que Connor McDavid est tête, les mamelles de l'entraîneur, puis là, c'est lui qui a crié. Non, mais si le coach avait dit, on fait la job. Si le coach avait dit, on fait un entraînement, il l'aurait fait, mais l'impact n'est pas aussi grand que si le capitaine dit. Le coach n'a pas le droit de faire ça à cause de la convention collective. Tu es obligé d'avoir un congé une fois par semaine, mais McDavid, il a fait pratique à la place. Check le représentant syndical. Non, mais c'est vrai, c'est écrit dans les livres. Il a reporté le congé à plus tard dans la semaine. C'est comme si il est membre de l'association des joueurs, il reçoit le petit bulletin à chaque mois pour les règlements. J'ai ma carte de CAA. Mais c'est pour ça que, dans le fond, mettons, c'est comme si au lieu d'avoir 6 jours de travail dans la semaine, il y en a 10 en ligne. C'est vrai, ça, par exemple. Parce que si un coach fait ça, l'équipe a une amende. Fait que c'est ça, je te disais, les mamelles. T'as raison, mais à 80%. Non, 80%, c'est une bonne note. 50%. C'est une note de passage. Moi, je suis satisfait 80%. Non, c'est 50 en réalité. 40. Oh, c'est un gueule. Ben, moi, je te mets à faire ça. Laisse-moi mon 80%. On voit que Mallette n'est pas très bon avec les chiffres parce qu'il part de 80 puis il dit après ça, il dit 49. J'ai pas apprécié sa réponse. Il voulait dire 1 sur 2. Il voulait dire 1 sur 2 puis il dit 80 pareil. Pourcentage. 80 sur 160. Ça marche. Ben Mallette, la seule statistique qu'il est capable de donner, c'est 80. En bas de ça, 80. Prochaine nouvelle, Jonathan Quick va manquer 3 mois en raison d'une blessure à l'aine. Ben ouais, vieilli. Les goalers se blessent beaucoup. Boston, d'ailleurs, sont beaucoup dans la merde pour les goalers. Genre, Tuukka Rask est blessé. Anton Gutobin, il est blessé. Gutobin, il est blessé. Gutobin? J'entends juste ça, moi, quand j'entends. Ah, Gutobin, prends la rondelle. Gutobin? C'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait, ça, là. Ok, je pensais que t'avais pas dit. Non, ouais, okay. Gutobin, c'est la mienne. C'est ta création. C'est l'original. Oh, shit. Fait que si on entend, si on a des déformations, on va les faire. Je pense qu'elle sort, elle. Je pense que je vais en publiciser. On va mettre de l'argent dessus. On va mettre le logo de la. On va faire un 7$ dessus. On va en faire sur ça. Sérieusement. Je suis à challenge, là, j'en pogne un moment donné que c'est moi qui a fait. Puis si vous avez des noms, moi les produire. Faut que ça soit aussi bon que Gutobin. Ben, avouez que c'est ça que ça a l'air. Gutobin est bon. Pas mal. Anton, je pensais pas que ça venait de ton cru. Color me surprise. C'est parce que le pire, c'est que c'est pas la première fois ni la première saison que je dis ça. Quand j'écoute avec Caro ici, le hockey, puis que j'entends ça, je dis « Hey, Gutobin, il y a pas que check Gutobin. » T'es un goaler, Calis. J'ai un tipette Gutobin, des jokes poches de mon oncle. C'est ici que ça se passe. Ah, il tapasse à la cuisse. C'est bien. Gutobin! Avoue qu'il est bon, est-ce que... Ça tombe au combat, hein, les gardiens. Ouais, fait que c'est fragile. C'était effrayant, cette année, c'était effrayant. Chris Bouda, il est rendu numéro 1 encore aujourd'hui. Qui l'aurait cru? Calis, faut vraiment désespérer. Faut être dans marre. T'as pas dit boudage? Boudaille. Okay. Bout de vierge. Bout de vierge. Hashtag bout de vierge. Prochaine nouvelle, puis là, j'aurai besoin d'une vidéo pour ça. Dale Weiss, suspendu 3 matchs pour son coup vicieux. Ouais. On va aller mettre la vidéo. Sérieusement, c'était vraiment. C'était pas fin. Allons voir ici le coup d'épaule. C'était imbécile comme coup. Là. Ok, là, je le vois, le chandail, à quel point il est lettre. Le jaune. Dégueulasse, le jaune. Il est jaune, Sty. Hey, il y en a Sty qui est lettre, le jersey tabarnak. Ok, j'avais pas remarqué ça, Sty. Ah, il y a plein de il sang du nez puis de la gueule en esti lui puis lui il est content Weiss là. Ah, il a le nez cassé, on va le voir ici le pack. Puis le pire là c'est que c'est ça le gars il a même il y a pas eu de pénalité pour ça. Non, il y a pas de pénalité. Non, il y a pas de pénalité. Weiss là, il y a pas une bonne semaine cette semaine. Weiss, il a parlé de Souben. T'as-tu vu ça? Ben oui. Premièrement, c'est Chris, dégueulasse, ça, man. Mais... comme femme ta gueule, man. T'es même plus avec le parlons-en là dessus. Ouais, mais même plus les journalistes ils ont posé la question. Ouais, mais c'est parce que les journalistes qui vont après. Ah, c'est ben ça, c'est ça, sont l'affaire. Aussi fatigants que ah, oui, ben ils vont le demander à tout le monde, ils vont le demander à Smith Pelly. Ah, mais t'es pas obligé de le dire. Ouais, ben ça fait jaser le monde. McGuire puis Danny Dubé on dit genre suite à ça, le soir même, il y avait un match, puis je pense que j'avais pogné l'avant-match à 98.5, puis il disait, les deux ont dit vraiment en riant, comme, ben oui, mais Delwiz, c'était le meilleur public de Souban dans le vestiaire. Là, ouais. Ben oui, c'est lui qui riait. C'est le gars qui riait tout le temps ses jokes, qui était tout le temps comme... Mais il dit, même dans l'entrevue, il dit genre, ouais, mais moi, c'était mon ami. C'est comme mais il dit, ça va peut-être paraître qu'il c'est comme si tu dis genre, je défends mon chum, mais si c'est vraiment mon chum, là. Mais oui, mais calvaire, c'est sûr. Tu vas pas dire, ah, mais c'est sûr que Souban, c'est un trouble dans le vestiaire. Ben, c'est les journalistes qui publient ça. Ouais, puis il s'est senti insulté aussi parce qu'il a reçu une offre du Canadien la journée même que l'ouverture des joueurs autonomes avait commencé. Ah, fuck mais là, faut falloir en revenir de Subban à Montréal. Puis ben, d'ailleurs, ceux qui n'en reviennent pas encore, on a un site qu'on a mis cette semaine qui track les Piqué Tracker. Piqué Tracker. Allez voir sur notre Facebook. Ça vous donne les stats en direct là, de Subban et de Weber, les comparaisons. Ah, mais il va faire ses points, Subban. Ouais, la différence, c'est le plus moins. Il est genre moins 6 puis que Weber est plus 12. C'est calé, Subban. Il est plus là. Il est plus là. He's long gone. Ouais, mais. Pensez à un autre appel. L'avez-vous vu hier ou avant hier tomber dans le net, je sais pas où. C'est hier. C'est hier. Ouais, c'est hier. Finalement, il a poté dans son but. Ouais, puis il a pas poté dans son but. Il était dans les jambes du goaler. Il a fait une passe au goaler. Il a juste pas réussi à. Il était dans les jambes du goaler. Il tire le goal. Le goal sur lui en faisant tomber sur lui comme pour essayer d'éviter un but. C'est ça, il aurait peut-être pensé qu'il aurait fait ça. En faisant son show. Mais c'est Subban. Il a essayé d'épiner le net. Ouais, puis le pire, c'est que Subban, la game contre les Ducks qui ont perdu 6-1, là. Deux fois, les Ducks sont contents des avantages numériques. Qui a perdu la rondelle sur ces jeux-là? Subban. Ouais, mais pour vrai, là, Subban, là, regarde, je veux dire, j'y enlève rien. Il y a un talent, Subban. Offensif. Mais c'est un talent, direct ça. C'est un défenseur offensif qui est pourri en défense. Mais t'es les deux à l'attaque. Il n'est pas bon en défense. Ouais, mais tu peux pas le mettre à l'attaque parce que c'est pas sa job. C'est un défenseur qui est bon offensivement. Mais il n'est pas bon défensivement. Il n'a jamais été bon défensivement. C'est un gars qui fait des revirements, qui fait genre, mais j'y enlève pas que Chris, c'est un joueur excitant à voir aller. Mais l'affaire est indiscipliné, man. Il joue pas la game comme il devrait la jouer. Il joue comme il veut jouer. Il joue à sa tête. Il fait son. C'est un joueur de basket, ce gars-là, man. L'affaire du filet, c'était ridicule. Faire tomber le filet sur lui, puis il l'a fait tomber sur lui. C'était comme. Moi, sérieusement, comme quand il a pris son gant l'autre fois quand il s'était blessé l'année passée. Moi, toutes ces affaires-là, moi, la saison dernière, à chaque fois, je voyais des affaires de même de lui, des hosties d'écartades de même, le chagrin. Des écartades. Tabarnak, man, sti, là, c'est comme... T'étais outré. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, là? Outrouille. Tu t'éloignes, sti, de la game. Qu'est-ce que tu calles? Mais il est pas concentré sur la game, 100%. Ah, c'est fatiguant. C'est le piqué sous Bancho. Pour un fan de hockey, je trouve ça gosse, hein, man. Je trouve ça gosse. Puis à date, comme... à Nashville, ça va vraiment pas bien. Là, les fans ils font des photos de Wolverine avec un cadre. Là, ouais, j'ai pas les photos de Weber. Alors, les fans capotent tout. Là, ils veulent savoir s'ils peuvent annuler la transaction, mais non. Ça va être qu'à Nashville, ça gagne pas encore. Honnêtement, je pense qu'à Nashville, peut-être dans une couple d'années, ça va peut-être revirer de bord puis ils vont peut-être l'aimer, là, pour vrai. Parce que, à Nashville, le monde regrette la transaction en ce moment. Mais il y a des fans qui chialent. Ah ouais, ça commence à chialer. Ils disent que Web, ils ont échangé le cœur et l'âme. Le cœur et l'âme. Il n'y a plus leadership dans ce club-là. Ils ont échangé leur capitaine. Ouais, change le capitaine, man. Là, on a 8 games de jouer, 8-9 games. On l'a vu, Weber, qu'est-ce qu'il a de l'air et qu'est-ce qu'il donne? Il domine. Man, t'enlèves ça à une équipe, ça paraît. Là, hey, tu remplaces contre Subban, qui n'est pas le même type de joueur du tout. Mais le pire, là, c'est que faut pas, hey, je vais le dire, faut pas se leurrer, OK? Weber, là, il va connaître, on va avoir des défaites. Weber va connaître des mauvais matchs. C'est normal. Comme tous les joueurs. Ça va arriver. Puis là, tu vas avoir les détracteurs de Weber, de l'échange Weber-Swan, qui vont genre sortir en trompe, sûr. Ouais, mais capoter. Genre pour une game, ouais, mais à Nashville et tout, ils vont même pas si ça. Même dire, si c'était 3 ou 4 ou 5 ou même 6, man, game que du monde chiale, oui, mais l'impact que ce gars-là a quand même sur le team en général, même si l'équipe va pas bien, ce gars-là a un impact général dans le team, puis... Subban n'a pas cet impact-là. Il n'a pas cet impact-là. Il n'est pas rassembleur. Il est pas. Il va faire des petites jokes. Il va taquiner le monde. Mais c'est un hostie fatigant que quand il t'en sort une bonne une fois de temps en temps, tu le trouves bien drôle, bien comique. Ou quand tu gagnes. Ouais, mais là, Dave, quand tu gagnes, exemple, ça va là, tout le temps bien. Mais quand tu perds. Il y a une affaire, par exemple, c'est qu'on n'a pas vu encore nous autres Weber passer, mettons, le mois de janvier, ça, là. Tu sais, tu comprends? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va être pas mal plus fatigué. Va être plus fatigué, va être plus ci, plus ça. Non, un défenseur de même, là, c'est pas fatigable, ça. On le sait pas. On va voir. Il a été fatigué. Il a 31 ans seulement. OK, Mallette, mais tu l'as-tu vu jouer tant de games que ça, toi, dans ta vie? Chris, jouait dans l'Est, on va jamais dans le gars, il était blessé. Mais non, mais regarde ce que je veux dire. Il a manqué 3 games avant. Il jouait dans l'Ouest. 6 ans. T'as dit dans l'Est, il jouait dans l'Ouest, hein? Non, j'ai dit l'Ouest, mais est-ce que ça a peut-être mal sorti? Whatever. Avant, il jouait dans l'Ouest. OK? Ouais, ouais. Puis on le voyait pas. On le voyait 2-3 fois par saison, OK? Fait que là, on le sait pas de quoi qu'il y a de l'Est, ce gars-là, dans le fond. On va le découvrir. Parce que des fois, ils sont arrivés à regarder des games. Tu sais, Weber, il a toujours été un des meilleurs défenseurs de la NHL. Ouais, mais tu vois, il s'est fait coller sur le dos. leur défaite à Nashville sur un revirement qu'il a fait hasardeux l'année passée. Mais Riné, il est à chier dans ce game-là. Ben oui, mais il y a tout le temps de quoi. Fait que, gars, on va voir, nous autres, avec les Canadiens, on comment va voir, que ce gars-là... On est bandé Weber. On va attendre encore 75 matchs, puis on verra après. Bonner, man. Hardon. Bonner, Weber. Bonner, Radu. Il y a même un peu de pre-com. C'est raide comme sa pilule, man. Bref, Delwis, il est en tabarnak. Prochaine nouvelle. On est Viagra Weber en ce moment. Ben, oublie ça, là. La prochaine nouvelle, Jared Dinardi est soumis au balotage. Et ça, qu'est-ce qu'on en pense? Et sa bonne réponse est on s'en calisse. Check. qui est soumis au balotage? Dinardi, sa carrière est finie. Même plus. Ah, Dinardi. Sa carrière est finie. Ben, Dinardi, man, c'est son père qui a mis des... Il était rendu dans l'Arizona. Puis justement, là, quand on va être rendu, j'aimerais ça parler de l'Arizona. Je veux faire un aparté. Ouais, vas-y, on Avez-vous vu... John Scott. Avez-vous vu sur le site des Ice Cap, ils ont mis le nom de Odette, ils ont marqué Donald Odette. Pour vrai? Pour vrai, ils ont oublié Daniel. C'était carré, man. Ils ont marqué Donald. C'est un beau fail. By the way, ça fait deux fois que McCarron il se bat à tous les games. Il n'a pas été suspendu, man. Mais on s'en casse. Deux jours. Il avait qu'on s'en casse. Ça, c'est le gars qui va être notre troisième centre. Il va prendre la place de ton plaqué. Mais. Pas fait. Mais c'est un gars qui recule pas. Mais c'est pas fait. McCarron, honnêtement, j'aimerais ça le voir parce que pour l'instant, ça lève pas son affaire. Ouais, mais c'est ça. Ben, laisse-le, tu sais, genre, pogner une constance. Puis s'il y a un blessé, c'est le premier qui va être blessé. Ah, mais il est robuste, par exemple. Je suis comme Beaulieu. Beaulieu est censé être bon. Je suis prêt à lui donner son temps. Puis à laisser manger son petit pain, là, son pain 12 000 graines. Là. Ben, il mangera mon pain en estime. Puis... hey, man, au moins, il n'y a pas peur, lui, tabarnak. J'espère que va dans le trafic, quoi, parce que pas le monde sinon, ça va être un autre crise d'échec. Un autre c'est quoi ses points? Hein? C'est quoi sa fiche? À qui? Sa fiche, man, c'est le spirit calice qui a sa glace. À McCarron? C'est ça, sa fiche. T'en as d'autres, sa glace qui font ça. Qui t'a d'autres, sa glace qui font ça? T'as personne, sa glace qui font ça? Beaulieu, tabarnak. Beaulieu, sa calice. Tu veux pas perdre Beaulieu 5 minutes à un def, hostie. Tu veux pas le perdre? Pourquoi tu voudrais pas le perdre? Il t'a parce chier, qu'il peut pogner une majeure, ouais, man. Un défenseur, quand il y a un défenseur, 5 minutes de temps, ça soque. Wow. Ça peut faire mal. Fait que tu veux un avant. Un avant qui est capable de, quand que Markov il se fait planter dans la bande, comme il y a eu, hostie, contre Philadelphie, Chris qui est capable d'arriver à côté, faire. Hey man, Chris, c'est plus sa job. Hey, on a pas parlé aujourd'hui. Là, mais... Il est grand, Chris. Il fait très bien sa job. Ouais, mais il est capable de se battre. Il est pas capable de se battre. Il est pas capable d'aller capable. Il est capable de bloquer la vie de Kohler. Il est capable, chat, de se battre. Mais tu sais, c'est pas sa job d'aller pogner un gars, genre. Mais Caron non plus, c'est pas sa job. Mais au moins, il est capable de se pointer. Non, mais je veux dire, comme chat, il est capable de dropper aussi. Ouais, mais chat, il est capable de dropper. Mais tu veux dire, c'est pas la NHL qui va faire constamment. De tes Flyers avec le jersey orange des années 82, tabarnak. Mais c'est plus de même. Non, je te parle de respect, man. C'est ça, je te parle. C'est pas de respect. Weber, il est capable de se faire respecter. Puis Emmanuel, il est capable de se faire respecter. Il ira pas dropper. MLM, non, mais Weber. Non, il fait pas, Weber, il pourrait dropper. Comme Chara, il droppe pas tout le temps. Il y a un jour. Weber va dropper s'il y a besoin de dropper. Il y a un jour dans la NHL qui en a va être vraiment là, comme. Tu sais, les deux fils se sont touchés. T'oublies ça, man. Tu vis dans le monde de rêves. Mais c'est pas moi qui veux ça. Mais un jour dans la NHL, il n'y aura plus de bataille. J'ai un dernier point, messieurs. Des nouvelles de. Tape. Bon, vas-y. Le jour qu'il n'y aura plus de bataille, c'est le jour aussi qu'ils vont pénaliser pour vrai les coups à la tête. Ah, ben là, ouais. Les condamner pour vrai. Là, je vais te craindre qu'il n'y aura plus de bataille. Mais peut-être qu'il y a du monde qui va se prendre avec des bâtons ou de même, puis Pac-Man, puis slasher. Qui veut, le Steve, man, ça gueule, puis des coups d'épaule dans la face. Il va t'en avoir, man. Puis ça va en prendre parce que c'est ces hosties d'assaut-là qui font ça, des coups d'épaule dans la gueule. Ça, c'est pas permis, puis tu devrais jamais faire ça. Puis la personne qui fait ça va pas se cacher d'un ref après. Chris, m'en fous, man. Non, c'est genre, assume tes conséquences, man. Puis tu veux faire ça, attends-toi à manger une shot de sa gueule, mon Chris, man. C'est direct ça. Ça, c'est OK, man. Fait que t'as mieux un joueur qui fait 10 points dans son année, qui se bat 800 fois. Non, je te parle pas. La ligue a évolué. Okay, mais point pour point, McCarron puis Pleganek, moi je prends Pleganek de loin. Là. Oui, je suis conscient. Écoute, je comprends entièrement ce que tu dis. Mais sur un troisième, quatrième trio, je veux au moins un gars comme McCarron qui est capable de dire c'est pas, hey, c'est tout va calmer mon esprit. Tu veux pas ton centre. C'est pas le même genre de joueur. C'est pas le même genre de joueur du tout. C'est pas ton centre qui va faire ça. Je swapperais pas un contre l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est comme ça prend un gars qui est capable d'arriver et donner un peu de respect. Puis quand tu as un de tes vétérans qui se fait slugger. Qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire comme hey man, c'est Weber. Kayfabe. Faut qu'il se batte, Weber. Non, faut pas qu'il se batte, mais c'est pas ça que je dis. Il va le faire. Mais c'est même pas ça qu'on dit. Depuis tantôt, c'est pas ça qu'on dit. Pas qu'il se batte. J'en veux un qui est intimidant. Imposer, on va imposer un le respect, là. Mais Weber, il va l'imposer moi, en tabarnak. Moi, le club de fantasy, je suis plus capable, mon gars. Les titus, là, fuck off. Les titus. T'as qu'à ça, arrête de chier sur Plekanec puis chier sur Dernais. Les titus puis les robes de geisha. Dernais, il est plus hargneux que Plekanec en tabarnak. Ah oui, tu l'as vu se battre bien souvent, là. Non, mais non, c'est pas question de se battre. C'est pas question de se battre. Je te parle de hargne au jeu, man. Asti. Ouais, mais. Le spirit. Tu parlais pas de ça, il y a 3 secondes. Oui, hein? Oui, ouais, ça compte dans spirit. Ça compte dans spirit. T'es arrivé, t'as un gars, disait, hey, toi, man, Chris, tasse-toi de là, Asti. Puis lui, tu les touches plus. Dernier, tu l'as vu faire ça? Non, tu le vois pas faire ça, mais dans son même jeu. Même si tu me sortirais tête, parce que moi, j'ai pas vu ça. Il fait des bars. Moi non plus, je l'ai pas vu. Il fait des bars. Il est plus hargneux. Il fait Asti au mile, le tabarnak au 10-30. Écoute bien, Plekanec, là, si tu le mets dans l'échelle de la hargne au jeu, là. Mais il est pas là pour ça. Il est en bas. Non, il est en bas. Puis je suis bien d'accord avec toi. Mais le hockey, c'est un sport de hargne, man. Fait que c'est vrai ça. Fait que 100% de tes joueurs, faut qu'ils soient fucking hargneux comme s'il y avait. Ça aide en os. Comme s'il y avait les couilles serrées par l'entire rap. Écoute bien ça. Non, non. Peut-être pas un entire rap, mais je te dirais peut-être comme plus. Un élastique, mais plus comme une ficelle. Une petite ficelle en genre une ficelle à poulet, là. Une ficelle blanche, là. Tu vas avoir un club pas de tête, man, qui va se crisser dans les bandes. Non, j'ai dit, un gars, il s'est capable de faire deux affaires. Chris, tu fais pas à part des choses. Non, plus. Mais oui, non, mais pour vrai, là. Je vais mettre un règlement qu'on a plus le droit de parler de Plekki. Mettons Radulov, là. Il y a de la hargne au jeu. Et voilà. Il va pas ramasser quelqu'un dans la bande, tabarnak. Un tank. On veut des tanks. Dans le fond, tu faisais du monde de caractère. Du monde de caractère. Bon, oui. Du caractère, caractère. Pas de la hargne. Mais Chris, ici, il pèse tes mots, tabarnak. Mais Plekanec, il n'y a pas de caractère, man. Non. Il n'y en a jamais eu. Il boit son lait, Chris. Je suis d'accord. Mais tabarnak, il fait ses points. Il fait ses points et c'est un bon joueur. C'est correct. C'est points de on a besoin des gars de même. On a besoin, c'est tout. Un gars. Mais j'en prendrais un qui a de la hargne et du caractère. Mais oui, mais quand même. C'est 3. Non, mais je prendrais Crosby dans mon équipe, puis je prendrais Tavares, McDavid, j'y prendrais tout, mais tabarnak, il prendrait ton team, mais faut-tu l'équilibrer, là, à travers eux autres, je te mettrais un gars de 6-3-2-20 qui est capable de souligner. Dans la musique, là, mais non seulement Plekanec, tu dis qu'il boit son lait, mais je le soupçonne de le faire chauffer un peu avant. Avant de se coucher, ça l'endort un petit peu plus facilement. Il boit un chaud, je suis pas mal sûr. C'est plus facile de s'endormir avec ça. Il me reste un dernier point, des nouvelles à GF qui est mis dans le document. Des nouvelles de Lars. Il boit même pas son lait chaud. De Lars Eller sexuel. Barry Trotz serait insatisfait de sa position. Le gars qu'on a-tu bien fait de se débarrasser, calice? Ben oui, puis Washington pensait avoir trouvé une révélation. Barry Trotz n'est pas content? Non, un but de la saison. Oui, il pensait que c'était une révélation. Il dit, on a pogné un excellent troisième centre. Pognant Washington. T'as rien pogné, t'as pogné un gars qui a un corsi. Hey, ils ont donné deux chocs des émeraudes pour ce corsi. Un corsi à te faire bander. Laisse off le Carl Finger, le corsi, ça s'en vient. Fuck off. Dans quelle période? Ben, Lars Eller, là, premièrement. Troisième, puis là, ça lève, l'intensité monte. Il fera pas plus que 20 points encore cette année. Il va faire son 20-25 points cette année encore. Qui mange la merde! Je suis plus capable. Ah, c'est nice. Là, ah, hey, là, dernier truc. Je suis pas venu ici pour rien. La semaine passée, il y a eu le NHL Winter Classic. Au mois d'octobre, tabarnak! Mais ça, c'est fuck off. Ah, ça, c'est dégueulasse. Mais c'était mauvais. J'ai vu, moi, j'ai écouté. C'était Edmonton. Il fait fucking fret là-bas. J'ai écouté la game des Alumni. Non, c'est à Winnipeg. C'était les Jets contre les Oilers, puis Collis, il y avait Messi puis Wayne Gretzky sur la glace en même temps. À un moment donné, c'est des Alumni. Ah, ça, c'est beautiful. Avec Timo Selanik qui a dominé. Ouais, puis Gretzky. Ah, ben là, il est plus jeune que les autres. Il est French, il est agressé. Messi fait des annonces de chips. C'est l'année pas mal plus jeune. Probablement qu'il en mange aussi. Des annonces de chips. C'est juste drôle. On est 5 qui parlent en même temps. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais écouter les Oilers contre les Jets, sacrément? C'est Wayne Gretzky sur la glace. Hey Jeff, c'est là. Des Oilers. C'est à ce moment-là que tu réponds comme mais t'as fermé-tu ta gueule? J'écoute le hockey. Non, mais toi, connais-tu quelque chose au hockey? Hey, mais t'as-tu vu le style de réflexion qu'il y avait sur la glace du soleil? Ils ont été obligés de il y avait des trous des bandes noires sur les yeux. Non, non, aussi, mais. Puis, Il y avait un spot de soleil sur la patinoire. J'ai regardé la TV, j'étais comme tabarnak. Même moi, match all Chinese. Hey, j'ai même pas une TV 4K. C'était en 4K, t'as c'était clair. C'était fou. C'était-tu Bob Essensa qui goulait pour Jeff? On s'en colle. C'est bon. C'est Bill Renner. La réponse est on s'en colle. C'est ça. Donc là, on s'est rendu au call-out, c'est ça? Tabarnak. On va mettre la caméra centrale ici sur Jeff et on va y aller pour les call-out. Je vais commencer tranquillement. Ouais, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai ton puis là, tu vas devenir mauve, de plus en plus écarlate, comme probablement. Écarlate. Je vais commencer, dans le fond, par quelqu'un qui sort de nowhere, un importé, là. John Sheka. Ok. Qui? Vous savez, c'est qui? John Sheka? Non. C'est le nouveau directeur général de l'Arizona des Coyotes. Ce gars-là, il a genre 30 ans à peu près. Il a 26 ans. Ah, il a 26 ans, ouais. Puis le DG, des pas le DG, le président, le propriétaire, si tu veux, eux autres, ils ont dit, on va prendre ce petit gars-là. Le propriétaire des Coyotes, il a 26 ans. C'est un expert, non, le DG. Le DG a 26 ans. C'est un expert des stats du Corsi? Exactement. Il l'a appelé le Mozart. Le Mozart du hockey. OK, ça, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Le Mozart du hockey. Premièrement, je pense que... Il se fie au stade. Monsieur le propriétaire, là, je pense que tu sniffes du sable pour commencer. Là. Le pire club de la NHL présentement, c'est les Coyotes de Phoenix. Quand t'as 26 ans, là, t'en as pas de contact. Puis quand t'appelles un gars comme Lou Lamoriello pour lui demander si je te le joueur est disponible, ça se peut qu'il t'envoie chier. Non, excuse-moi, un gars de 26 ans, là, c'est une gardienne, ça, encore? T'as quel âge, Alex? 28. Non, mais tabarnak, là. Vous avez vu de quoi qu'il y a de l'air dans les estrades en haut, là? Il est intimidé par tous ses pères. C'est clair que ce gars-là, à 11h, il y a un couvre-feu, qu'il soit chez eux puis qu'il se couche. Il doit étudier des chips, savoir qu'est-ce qui se passe. Quand tu dis ses pères, là, tu veux-tu dire ses pères ou ses pères? Oui, tu dis ben, plus que genre ses pères, ce gars-là. Ce gars-là, c'est clair qu'il n'a pas de décision de ça, là. Lui, il va commencer à dire ah, tel joueur, il est bon, là. Il va shotter 100 fois en 800 minutes de jeu sur le côté gauche de la patinoire quand elle est faite de ce bord-là. OK, c'est quoi ton calice de points, là? Mon colosse de point, c'est que John Sheka, qui est le Mozart du Corsi, a bâti son club en conséquence du Corsi. Parce son que toi, club, date, c'est le pire club de la NHL. La seule affaire que t'as dit, là, c'est Mozart puis Corsi, man. Il faut laisse-les finir. Faut t'écouter ton contenu, Asti. Je fais juste te dire mais arrête de s'être traqué pour ton call-out, tabarnak. Alors, c'est ça. Le Corsi, ça, c'était ma prélude. Alors, pour ceux qui le demandaient, le Corsi, on s'en colisse. Là, j'aimerais parler de Marc Defoy. OK? Marc! Il est allé à Run cette semaine. Ah oui, mais lui, l'acné dans sa jeunesse, ça a fait ses efforts, hein? Ouais. C'est pas lui qui a les cheveux teints en rouge, ça, d'habitude. Non, c'est fini, les cheveux blancs. Il est un peu rosé. Écoute, il a une face tellement maganée qu'il a l'air d'un gobelin dans Harry Potter. C'était où qu'il avait les cheveux rouges? À 110%? À 110% les cheveux rouges. Quand il s'engueulait pour... Allez voir sur notre Facebook, on va vous mettre une belle vidéo dans Galate. Ah non, il était comme cuivré, genre le rouge. Hey, c'est devenu vert avec le temps, tu sais. Il y a un livre. C'est accidé. Il y a un livre qui a été fait en 2010 qui est genre Les histoires de 110%, puis Seb de Boulevard Brutal, le pogné. Ah, il faut qu'il vienne nous faire un résumé. J'ai demandé qu'il lise puis qu'il vienne nous faire un résumé de sa soirée du podcast. Fait que Seb, dès que t'as fini de lire ça, viens nous donner un bon résumé. On veut savoir les insides. Fait que vas-y, Jeff, ton call-out. Mais Marc Defoy. Ce matin, tu parles de Subban en disant « Oh, ben c'est un bon petit gars, on devrait pas parler en mal de lui, tu sais, on faut le respecter, blablabla. Bla, » bla. Quand Radulov a connu son meilleur match à Montréal cette semaine contre les Flyers, là, t'as bâché sur lui, t'as dit qu'il aurait pu au moins faire attention quand il a pitché des pucks dans la foule. Les pucks sont faits en styrofoam, Chris innocent. C'est sûr que t'as la chienne, toi, t'aurais peur de te faire mal. Si quand tu te vois à la face, quand tu te rasses, c'est clair que t'as la chienne. T'es une poule mouillée, tabarnak. Après ça, je vais parler d'un autre gars de Journal de Montréal. Asti, José Théodore Calice. Ah ben, tabarnak. Tu parles en mal de Price, qu'il n'y a pas de couilles parce qu'il est grippé et qu'il veut pas jouer. José, là, si tu veux à TV quand tu parles, on dirait que tu te crisses la graine par en dedans, Asti. Tu t'en es-tu de ta genette? D'après moi, oui, parce que en plus des entrées, je suis, tu fais exprès pour avoir le hockey. T'aimes ça la mettre dedans, hein, mon oui, Asti. Mais là, Théodore. Premièrement, il faut que tu apprennes à parler en français et faire des phrases complètes. Okay? C'est lui qui dit ça. Oui, José, tu me fais chier, tabarnak. T'as pas d'affaire à dire que Price, c'est pas un gars qui a des couilles, ok, parce qu'il est malade et il faut pas qu'il goal. Toi, Esti, t'étais blanc comme un drap ta dernière saison à Montréal. Tu t'es planté, Esti, en déployant tes marches, Esti, en hiver. C'est pour ça qu'on t'a échangé au Colorado contre David Abichaire, le fromage suisse. Calisse. Pis en plus de ça, il y a un autre tabarnak de Chris Despaix qui va prendre tes mêmes astis de lignes que t'as écrit dans le journal. Michel Bergeron. Hey, ça fait 50 ans qu'il a pas coaché, ce gars-là. C'est pas parce que t'es dans le temps de le renommer de ta grand-mère dans le sous-sol, l'esti, que t'es un gars qui est fiable au hockey. Ça fait 50 ans qu'il a pas coaché, il a 65. Je m'en calisse. Y'a-tu à la face, esti? Non, mais sérieux, Michel, tu te donnes un rôle, t'envoies chier ton co-animateur, Louis-Jean, je sais pas qui, là. Mais là, un moment donné, Louis-Jean, c'est tout. Chris, tu dis... Ah, Price, y a pas de cœur. Va voir des gars comme Lalime, Giguère, pis Dominique Roussel. Sacrement, ces gars-là ont pris leur retraite à 29 ans, calice. C'est pas des winners dans la ligne nationale. À un moment donné, Michel, va voir que tu prennes ta retraite. Ta femme, elle recherche le soir. Elle dit, seulement t'es où? Elle écoute pas ça, TVA. T'as même pas payé pour, tabarnak. Elle est sur Tinder. Non, mais sérieux, là. Michel, reste chez vous. Tu vas faire plaisir à ben du monde, OK? OK. Oh mon Dieu. Il était là. Là, vraiment, là. Non, mais sérieux, là. Wrong. Mais il y a tellement. Ah, il y a tellement de. Je vais le dire, de hargne là-dedans. Ouais, hey, un bon hey, Mark, tu dois capoter, man. Il y a de la hargne là-dedans, là. Tu veux vouloir son équipe. C'est beau, man. C'est juste, s'il mesurait ça, c'est 3, je le prendrais dans les Canadiens. J'ai la bonne grandeur parce que j'étais à même à ma hauteur quand j'étais assis, là, ma tête à la. Jeff est à la même hauteur assis que debout. Fait que, non, c'est ça, je suis pas capable. La même largeur. Non, aussi. Mais sérieux, là, tu sais, Théodore, là. Ah, regarde, pour moi, pas c'est Théodore, m'a flippé à c'est table. C'est sûr qu'il y a chaud, tabarnak, pendant qu'il parle, entre des entraques. Mais Chris, il y a chaud, il y a de la misère à aligner. Moi aussi, mais il y a de la misère à aligner trois mots. Mais toi, t'es chaud, t'es pas plus de la bière. Ouais, c'est ça, j'en ai une coupe dans le corps, mais c'est correct. Lui, faire une phrase complète, là, complément de verbe, six sujets, groupe du nom, tabarnak, c'est compliqué. Groupe du nom. Mêlé dans l'ordre que tu veux, là. Non, c'est ça. Complément de verbe, complément de groupe. Tout ça, là. Ah, le français est fort. Le français est fort. La seule affaire que Théo, il est bon, c'est en mathématiques. Pour ça, il voudrait remercier son en père. En thématiques? Je pense que Shane Disney. Théo, il est fort en thématiques? Hey. En mathématiques. Hey, non, il est bon. Moi, j'ai fait un deck. Je suis bon en français. Normalement, je suis un prof, mais... Pas à soir. T'es prof des dieux, c'est pas pareil. Ouais, ici, ouais, là. Ouais, ouais, tu sors le gros Christ de parachute puis tu fais courir les quêtes là-dedans. Si on joue au chasse-souris. On joue Omnikin, tout le monde, le gros ballon. Omnikin bleu, paf! Mais je suis là-dedans ces temps-ci. C'est cool. C'est très cool. On va se faire un podcast d'Omnikin bientôt, suivez ça. À la jasette dans 5 minutes. On va suivre les tournois d'Omnikin du Québec. C'est-à-dire qu'on se lance un ballon pendant genre une heure. C'est ça. Sans qu'il touche à terre. Sans qu'il touche à terre. Fait que sur ce, suivez-nous sur Facebook et Twitter, la soirée du podcast. Sinon, venez nous voir samedi prochain, 5 novembre, dès 14h45 au Geekfest. En passant, podcast. Podcast. Pool. Pool. Tous ceux qui sont inscrits dans le pool, oui. Les échanges commencent le 1er novembre. Il y en a deux échanges. Deux échanges à partir du 1er novembre. On va essayer de crosser le monde, ils ne savent pas. On va vous le dire le 31. Nous autres, on va le trader, Jack Eichel. Ouais, on va que je m'en débarrasse. Moi, je ne l'ai pas pris. Moi, je l'ai, puis ça me fait chier. Ouais, je l'ai pris. Fait que c'est ça. Sinon, on s'en voit dans deux semaines, la prochaine, tout le monde. Je ne l'ai pas pris le frisé. Ah, mais Chris, t'as pris qui en retour qui a comme tant de points plus que qu'est-ce qu'il aurait produit?